Moteur, moteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Nous avons transformé mon scénario en film pornographique. Moteur. Allons-y. Moteur. Oh putain, moteur. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Intérieur Nuit Fit le Crible. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, ça met de l'ambiance directe. Ça met du sunlight sous les tropiques. Pas du tout, c'est pas du tout le thème. En plus, il pleut. Hein. Ah, ouais, même pas, elle était mauvaise langue. Du coup, je viens d'y penser, mais ça fait 5 épisodes qu'on dit pas ce que c'est Intérieur Nuit. Donc vas-y, est-ce que quelqu'un peut décrire ce que c'est Intérieur Nuit? Lise, ça fait 4 épisodes d'affilée que t'es là, donc tu vas le connaître. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 1h30, 2h? Pendant 1h30, 2h, on va parler de films sur un thème donné et on va en parler beaucoup. Et ensuite, on va essayer de faire un scénario bien cliché, bien Netflix. Exactement. Sur le thème donné. Exactement, on écrit, on parle des tropes et ensuite j'aurais on pas écrit, dit on en écrit. Merci. Voilà, alors si vous attendez à du truc complètement sérieux, on n'est pas, pas le crible, hein, vraiment, on est Intérieur Nuit. Fit le crible, donc il y a une partie sérieuse, on a tous nos petites notes là. Ouais, quand même. Ils ont, on quand même mes, trois invités, ont des notes et moi je on fais a bossé. Des blagues. Donc le thème, comme vous l'avez pu le lire dans le titre de l'émission, c'est les films historiques. Les films historiques, qu'est-ce que c'est? C'est assez facile, hein, c'est des films qui parlent d'histoire, d'événements en particulier qui s'inscrivent dans, dans un contexte historique particulier. Mais je vais demander à mes compatriotes, c'est parce que c'est les élections dans pas longtemps, mes chers amis du Crible, de me parler d'un film en particulier, c'est une petite nouveauté, on essaie des trucs, de me parler d'un film en particulier, de la catégorie, on va dire, historique, et ce pourquoi il l'aime bien, il l'aime pas bien, les tropes qu'on peut en identifier, je sais pas, comment ça, Alex, vas-y, j'ai pas présenté qui il y avait, mais il y a Alex, Juliette et Lise. Vous les reconnaîtrez leur voix. C'était vraiment une présentation expéditive. Oui, bon, carrément. Écoute, ça fait déjà 2 minutes. Alors du coup, moi, pour le film historique, j'ai choisi La Favorite de Yorgos Lanthimos, qui est sorti en 2018. Ok. On a comme star Olivia Colman qui joue la reine Anne, Rachel Weisz qui joue Lady Sarah Churchill et Emma Stone qui joue la petite cousine de Sarah Churchill, Abigail. Okay. Du coup, ça se passe en 1711 en Grande-Bretagne, qui est en guerre contre la France, d'ailleurs, pour le contexte historique. Comme d'hab. Voilà. Donc, la reine Anne a une santé fragile et elle s'en fout complètement de gouverner, en fait. Mm-hmm. Du coup, c'est sa conseillère Lady Sarah qui gouverne en influençant ses décisions d'une manière plutôt originale, jusqu'au jour où Abigail, la petite cousine de Sarah, vient chercher un emploi... dans leur château, j'en sais rien où ils sont. Pas... Dans leur petit appart, voilà. T4 à Châtelet. Petit duplex. Du coup, elle va faire une découverte sur la relation entre la reine et Lady Sarah. Mm-hmm. Petite découverte sympatoche en rentrant dans la chambre de la reine. Je vous épargne les détails. Elle joue aux cartes Yu-Gi-Oh! C'est ça? Totalement. Putain. Ouais. Abigail va tenter aussi de s'attirer les faveurs de la reine. Donc il y a une guéguerre qui éclate entre les deux cousines, Lady Sarah et Abigail. Et tous les coups sont permis, donc il y a des scènes extrêmement drôles dans ce film, extrêmement perturbantes aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ce film, non seulement parce qu'il est perturbant, il y a des moments drôles, il y a des retournements de situation, et il casse un peu aussi les codes du film historique basique. Ah, ce qui est dommage, parce que c'est ce qu'on te demandait. Bah voilà. Je rigole, ça va. Ça se préoccupe pas forcément de raconter les faits comme ils sont, etc. C'est plus du ressort scénaristique qui est plutôt original. Donc... Bien évidemment, il y a des trucs qui sont totalement faux dans le film ou totalement inventés ou interprétés d'une certaine manière, comme du coup la relation entre Lady Sarah et la reine Anne. Les cartes Yu-Gi-Oh! Déjà, ça n'existait pas. Donc, voilà, totalement. Non, sans blague. Je vous jure, c'est un truc de scénario. Je ne sais même pas s'il y avait des cartes tout court à l'époque. Si. Oui, si, quand même. Le tarot de Marseille. Au tarot pas, je ne sais pas quand les cartes ont été inventées. Mal fait ton boulot. C'est un film historique, merde. Un standing. Et du coup, c'est vrai que sur la relation, on peut juste dire que Yorgos Lanthimos s'est juste inspiré des lettres qui ont été envoyées entre la reine Anne et Lady Sarah. Donc c'est une interprétation totalement totalement personnel du film. Et il y a d'autres choses aussi, comme la rivalité entre Lady Sarah et Abigail, qui justement n'a pas été à ce point morbide dans le film. Enfin, si, dans le film, elle est morbide, mais pas dans la vraie vie, apparemment, de ce que j'ai trouvé. Et pareil, la petite scène où la reine Anne du coup a perdu tous ses enfants, ça c'est vrai, mais qu'elle ait adopté autant de lapins, c'était pas vrai, parce que les lapins ça servait à se faire bouffer et c'était plutôt des nuisibles à l'époque. Donc ça rajoute un cachet quand même vachement cool au film, moi je trouve. Ouais. Donc c'est vraiment des ressorts scénaristiques qui étaient vraiment. Ils ont fait autant d'entrées parce que plein de familles de lapins se sont dit putain, on est enfin représenté à l'écran. J'allais y venir pour les entrées, ça a été un véritable succès quand même ce film. Mais dis-moi le nombre d'entrées. J'ai plus le nombre d'entrées, okay. J'ai le budget qui était de 15 millions, mais nombre d'entrées ça a dépassé les 90 millions mondial, je crois, donc c'est vraiment un vrai succès. Le film a reçu 10 nominations aux Oscars, une petite victoire d'Olivia Colman bien méritée. Donc voilà, pour mon film historique, j'ai choisi La Favorite. Et ben, tu l'as fini vraiment comme une chronique sur France Inter, ça me... j'adore ça. On reviendra sur La Favorite du coup pour essayer d'isoler un peu les tropes et les clichés des films. Juliette, je t'en prie. Oui, bien sûr. Alors moi j'ai choisi. Déjà, je suis très jalouse de ne pas avoir pensé à La Favorite parce que j'aime beaucoup ce film aussi, mais là n'est pas suivi. Moi, j'ai choisi un film plus classique. J'ai choisi La Reine Margot de Patrice Chéreau, sorti en 1994, qui lui a remporté un petit prix du jury à Cannes. Et donc c'est l'histoire. Alors c'est l'adaptation du livre de Alexandre Dumas, qui raconte l'histoire de la reine Margot qui se retrouve mariée malgré son consentement au futur roi Henri IV, du coup Henri, je ne me souviens plus de son appellation, mais cinq, qui était non, c'est pas ça. Avec les protestants, quoi. Donc en gros c'est l'alliance catholique-protestant, et tout au long du film on va voir comment la mère de la reine Margot, Catherine de Médicis, en fait, qui a lancé en fait ce mariage, va aussi également essayer de corrompre et de détruire cette alliance diplomatique pour vaincre le côté protestant. Alors c'est un film plein d'inceste, plein de choses très joyeuses. On adore ça. Alors attention. Dans les films, parler. Plein de coups bas et de trahisons un peu d'époque comme on les aime, avec une merveilleuse Isabelle Adjani à la fine fleur de sa carrière, comme on l'adore. Et aussi, j'avais pas remarqué quand j'ai vu le film, mais en le revoyant, j'ai remarqué que c'était Daniel Auteuil qui jouait Henri IV, que j'avais vraiment pas remarqué que c'était lui. Et donc, il devait être vraiment bien grimé. Mais en tout cas, très beau film. Mention spéciale, en tout cas pour ma part, pour ce qui est des décors et de la mise en scène du film en règle générale, et des costumes, c'est très très très bien fait. Pour la petite histoire, en fait, il a été tourné en partie dans les ateliers du Théâtre des Amandiers, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce film, parce qu'en fait j'ai travaillé au Théâtre des Amandiers et que on nous en parle à peu près une fois tous les trois mois quand tu travailles là-bas. On avait fait la visite, ils nous l'ont dit. Alors qu'on y est resté une heure, je pense. C'était la Reine Margot, c'était là. Mais en tout cas, c'est un très beau film, très triste, donc qui n'a pas des ressorts scénaristiques aussi inattendus que je pense dans La Favorite, mais qui, en tout cas, très belle adaptation du livre, et qui est très intéressant aussi d'un point de vue historique, parce que ça édulcore énormément les relations de la famille, mais c'est aussi très vrai. Voilà, merci pour tout. Eh bien, merci Juliette. Vous avez vu quand c'est naturel et on n'a pas du tout senti de cut au montage. Lise, je t'en prie. J'ai une grosse pression là, parce que moi j'ai pas fait les recherches. Oui, il y a telle personne qui joue dans le film. Oui, il a reçu des récompenses. Oui, le budget est utilisé. Moi je me suis dit, je vais prendre ce film parce que je l'aime bien. Et puis c'est tout. Mais c'est, ça me va, moi perso ça me va. Ouais, j'ai fait une petite recherche entre temps quand même. Alors, la film que j'ai choisi, c'est La Vie des Autres de, attention, best accent allemand, Florian Henkel von Donnersmarck. J'ai failli prendre ce film aussi, j'ai beaucoup aimé. Yes. Ouais, mais tu l'as pas fait, donc il fallait y penser. Non, mais on s'accorde. Eh, le positif, on voit les deux. Remake américain de ce film avec Jake Gyllenhaal. Eh ben, c'est vrai. Sur Netflix. Mais non. Eh ben, oui. On pourra en parler dans le prochain épisode des remakes, du coup. Mince alors. C'est l'épisode dernier, c'est dommage. Ce film est sorti en 2006. Il a reçu. On va passer au prix parce que j'ai la page Wikipédia dessus. Ah non, j'ai des conneries, c'est pas ce film, je crois. Non, non, non. Bah non, parce que tu pensais à celui sur écoute. Là. Oui, c'est ça. Non, non, ça fait rien à voir. C'est aussi de l'écoute, mais pas la même écoute. Oui, c'est pas la même écoute, oui. Pardon. Vous m'avez perdu. Je pense qu'on s'est compris. Non, c'était un film danois, l'autre, ou norvégien, oui, comme c'est ça. Ça. Ouais. Parce que là, c'est... Pardon. Ouais, ouais, non, j'ai confondu. Mais il est bien aussi. Laissons les continuer. Voilà. Bon, alors, le film a reçu de nombreux prix, énormément de prix. Prix du film à en 2006, meilleur film, meilleur acteur principal, meilleur rôle secondaire, masculin pour les deux, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure prise de vue, meilleure image. Il a reçu l'Oscar en 2007 du meilleur film en langue étrangère, le César en 2008 du meilleur film étranger, le British Academy Film Award 2008 pour meilleur film étranger, et encore d'autres, mais on va s'arrêter là. C'est pas mal. Il y a... Non, en fait, je vais pas dire le nom des acteurs, ils sont tous allemands, je vais les écorcher. Bref, des acteurs très bons et très connus. Tu as une haine pour les Allemands. D'ailleurs. Non, je crois que c'est pour la langue. Ulrich Mue, un truc comme ça. Ouais. Mue ou un truc comme ça. Je pour l'acteur principal, Ulrich Mue. Ensuite, bon bah du coup j'y vais. Hein. Martina Gedeck et Sébastien Koch, je sais pas. Bref, c'est les trois principaux. Ce film parle. Merci Wikipédia, je reprends ma fiche, qui est un copier-coller de Wikipédia. Oh punaise, j'ai mis les noms. De Gerd Wissler, qui est chargé en tant que capitaine de la Stasi, de surveiller de près George Dreyman, un dramaturge vivant avec l'actrice Christa Maria Schellend. Ça se passe pendant la guerre froide dans l'Allemagne de l'Est. J'ai dit que c'était prenant comme film, donc c'est pas du tout le synopsis, mais c'est très prenant comme film. Je l'ai choisi, non pas déjà parce que je l'aime bien, et que je le trouve magnifiquement bien réalisé, mais aussi parce que ça m'a fait poser une question. Est-ce que c'est un film historique? Ben, je sais pas, je l'ai parce pas vu. Que... je l'ai pas je vu. Veux dire, j'ai vu aucun des films dont vous avez parlé. Ah, punaise, okay. T'as fait ton boulot, toi. Hein. Bah, moi, mais... je suis pas là pour faire des blagues. Oui, c'est un film historique. Bah, en fait, la... Comment dire la... Moi, je dirais plus que c'est une fiction historique. Voilà, parce qu'en fait, ça se passe... Ça se passe dans un contexte. À la différence... Que... Puis-je continuer? Après, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci, j'ai fait une fiche, c'est pas pour rien. On est au taquet pour le débat. Je sais. Du coup, oui, bah, ça se passe dans la Manne de l'Est pour la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, il y a un contexte historique très fort et très marqué, comme l'a dit Antonin au début, que c'est un film historique. Mais est-ce que les personnages n'ont pas existé en tant que personnages propres? C'est-à-dire, voilà. Oui, il y a eu des, il y a eu un chef de la Stasi, il y a eu forcément des gens qui ont été sur écoute. Enfin, toute la population allemande de l'Est était sur écoute, mais c'est pas... un film sur ces personnes, c'est pas, ça reprend mais pas historiquement les choses. C'est un peu ce qu'on disait avant que tu arrives en off, c'est que c'est pas des films tirés de faits réels, mais ça reste des films historiques. Moi, j'appellerais ça du coup une sorte fiction de fiction historique, à la différence d'un film consacré à un événement historique ou alors un biopic historique où c'est centré sur une personne. Et mais ça reste des films historiques. Ça reste. Ouais, ça pourrait rentrer dans une catégorie un peu film d'époque, en fait, qui retranscrivent, je sais pas. Ouais, mais du coup, je pense que ça fait un peu une sous-catégorie de film historique, justement. Oui. Mais ça rentre dans un la peu comme Barry Lyndon, finalement. Oui, exactement. Qui est pour le coup un film d'époque, littéralement. Ouais. Qui est le film d'époque, qui est finalement des peintures anglaises du 17e mises bout à bout. C'est très très bien. J'aurais pu parler de ce film là, mais j'ai pas écrit de chronique. Mais... Voilà, il y en a qui font pas leur boulot. Ah bah non, écoute. Non, ils font des blagues. T'imagines si je devais set up tous les micros, toute la table de régie et ensuite faire un truc qui me met 2 minutes à écrire. Non, c'est mort. C'est trop de boulot. Et bah écoutez, merci. Je sais pas si t'as fini. Oui, si, c'est bon, okay. J'ai fini. Et bah merci. Et on va pouvoir se servir. Parce que, enfin, vous allez pouvoir m'en servir des films que vous avez dit. Parce que, perso, je les ai pas vus. Qu'est-ce qu'on peut isoler du coup comme trope et comme cliché des films historiques? La romantisation. Ouais, évidemment. Romantisation dans le sens. Dans le sens où on reprend un fait historique ou alors une époque historique ou alors un personnage historique et on crée sa vie. Ou alors c'est liaison avec d'autres personnes. Par exemple, dans La Favorite, il y a deux liaisons qui n'ont jamais eu lieu. Et pourtant, c'est... Qui n'ont potentiellement pas eu lieu. Mais du coup, c'est quand même un des sujets principaux du film. C'est ça. Dans La Reine Margot, vu que... Bon, après, c'est tiré d'un livre. Mais le livre lui-même s'inspire de faits réels. Mais c'est... combien de fois on nous dit la reine Margot, attention, les faits historiques sont pas forcément avérés, quoi. C'est beaucoup de romantisation. Et dans La vie des autres, c'est tiré d'un fait historique, mais là encore, beaucoup de choses qui ont été créées à côté. Mais parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'au-delà que ce soit un événement historique, il faut que ce soit intéressant et qu'il y ait un ressort scénaristique qui tienne en haleine le spectateur. Parce que on s'en fiche un peu si la personne... Enfin, donc du coup, il y a toujours cette volonté de narrer l'histoire et du coup, d'ajouter quelque chose à l'histoire et de la rendre plus... croustillante en fait. C'est... Ah oui, parce que sinon on s'emmerde en fait. Ouais, c'est ça. Faut dire les termes. Titanic aurait coulé, on sent pas très les reins. Bah ouais, honnêtement, sur Agnes. Nous, c'est Jack qui nous a fait pleurer. Voilà, moi, on est d'accord. Franchement, j'aurais aimé voir le film où c'est juste les faits factuels de genre c'est le bateau qui coule, mais pourquoi? Parce que le moteur il marche plus, parce qu'on a réfléchi un truc et on voit juste une salle qui se remplit d'eau et que c'est juste les mecs qui sont en réunion de crise. Moi, ça m'a fait marrer. Ouais, mais du coup, c'était pas le sujet de Titanic. Bah oui, je me doute bien. C'est... Tant mieux d'ailleurs. Ouais, parce qu'on a quand même eu la plus grande romance de tous les temps avec ça. Ouais, et puis si ça avait été même rien que sur le capitaine, je pense qu'on se ferait chier aussi. Alors, ça s'appelle Titanic 2. Voilà. Et je te jure que ce film existe. Non, c'est vrai. Oui, c'est un nanar. Oh là là. Il y a même Titanic 3 qui va être en préparation par la même boîte de prod, je crois. Mais du coup, c'est avec Sharknado. Non, mais du coup, c'est ça. Oui, c'est la même boîte de prod. Mais c'est une continuation parce que c'est la même boîte de prod, pas parce que c'est même réel ou non, autre chose. Non, parce qu'il y a eu un troisième Titanic qui a coulé. Ah, alors, j'étais pas au courant, zut. Petit aparté sur Titanic 2. Voilà, déjà, allez voir ce film, c'est 1h30 de pure rigolade. Mais le bateau sur lequel il... Le film s'appelle Titanic 2 parce que le bateau sur lequel il monte s'appelle Titanic 2. Et je suis déçu, je pensais que c'était sur une barque. Et se passe. Non, mais il se passe exactement, exactement la même chose. Et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait aucun effort. Et ça me fait rire. C'est le cinéma américain, probablement. Oui, bah oui. Bah, alors oui. Ils ont fait d'autres films comme Jurassic Planet. Enfin, chef-d'œuvre. Waouh. Chef-d'œuvre. On ne manquera pas de regarder. Pseudo-historique, du coup. C'est ça. Mais ouais, la romantisation grave. Enfin, de toute façon, même les films qui sont entre guillemets basés sur des faits réels et qui sont au plus proche de la réalité, ou je sais pas quoi. Comme les biopics. Voilà, les biopics, c'est les meilleurs exemples de trucs. Ouais, on a raccourci ça, on a rallongé ça, on a fait que ces deux personnes, elles se rencontraient à cet endroit-là parce que c'était un peu plus cinématographique, mais en fait, ils se sont rencontrés à une soirée, et puis au final, ils se sont revus je sais pas combien de fois après. Enfin, bah voilà. De toute façon, c'est ce qu'on va faire nous après, hein. C'est, on va écrire une fausse histoire historique, une petite histoire dans la grande histoire. Mais on va bien faire en sorte que rien n'ait de sens, hein, parce que généralement, quand t'as la vérité historique à côté de toi, t'es un petit peu déçu des films. Je sais pas, Alex, quel autre cliché t'as vu dans La Favorite? Attends, je réfléchis deux minutes. Je pense que le côté action aussi, qui manque souvent au côté historique, il n'y a pas forcément de l'action tout le temps, parce qu'il y a des longs moments où il n'y a rien du tout et c'est chiant. Et du coup, là, dans La Favorite, justement, avec la rivalité entre Lady Sarah et sa cousine Abigail, il y a vraiment des moments d'action et de comique qui sont mis en scène et des trucs complètement what the fuck, en fait. Avec des scènes bien marrantes, je pense notamment à Lady Sarah qui tombe dans la boue là où je sais plus exactement la scène et qui revient mais de façon totalement drôle en fait en disant ouais je suis encore là et c'était vraiment c'est vraiment un ressort scénaristique fait exprès pour justement que le film bouge un peu quoi. Mais même pas que le film bouge complètement, parce que c'est le parti pris du film d'être complètement loufoque en fait. Y a vraiment des scènes qui mettent on sait que c'est pas du tout historique, mais que ça va avec l'ambiance du film, avec les décors, avec le jeu d'acteur, avec tout ça. Donc, en fait, et même c'est... en parlant du jeu d'acteur, d'ailleurs, Olivia Colman, qui interprète la reine Anne, qui justement fait que se plaindre du début à la fin dans le film, parce qu'elle a de l'arthrite, en fait, il me semble. L'arthrose, au niveau des jambes, des varices. Trop dégueu. Et qui est vraiment là, en train de pleurer tout le temps, en train de chouiner, en train de crier. Et pas une vie facile aussi. Hein, quand t'as raconté ton truc, tu fais bon, tu peux te plaindre. C'est vrai, mais du coup, ça apporte quand même un. Enfin, le fait que ça se passe tout le long du film, ça apporte quand même une certaine. un petit plus en fait que qu'il n'y aurait pas eu si c'était juste un film historique simple et banal en fait. De la mise en scène quoi. Ouais. La musique aussi très importante dans le film qui est très bruyante dans ce film d'ailleurs. Ça m'a pas laissé hein. Ouais, mais j'ai pas de souvenir. Je l'ai vu à sa sortie donc du coup. Dans les films historiques, il y a quand même un truc que tu dis de l'action. On fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'action, mais pas d'action que des personnages, mais des scènes d'action, pas forcément de la guerre ou quoi, même si on parle souvent de guerre quand même. On fait en sorte que les personnages fassent beaucoup plus que ce qu'ils ont fait dans la vraie vie. Mmh. Et on les rend héroïques. Vraiment, il y a une C'est surtout qu'ils doivent condenser du coup plusieurs mois parfois ou plusieurs années en 2 heures maximum de temps. Ouais, ils sont souvent longs les films. Mais parce que aussi un film historique c'est subjectif vu que c'est le point de vue d'un réalisateur qui vient d'une culture qui va parler d'un événement, bah, il va en parler selon la culture de son pays. Et quand tu vois des films aussi, genre Pearl Harbor et tout ça, et enfin voilà quoi, genre. Oh là là. Et j'adore l'odeur du napalm au petit déj. C'est ça quoi, américain. Genre tous les films sur la guerre du Vietnam. Enfin je veux dire, mais et il y en a qui ont quand même plus, qui sont enfin si tu vois des trucs genre Apocalypse Now, ils veulent quand même plus objectif et essayer de montrer aussi la terreur de ce qui se passe. Pas vers la fin, quoi. Enfin, la fin, c'était un peu... On sait que ce film a été changé à la dernière minute. Enfin, il y a eu énormément de changements de scénario. Mais globalement, c'est des films... c'est écrit par des Américains, pour des Américains. Et en fait, mais il y a plein de films, même européens, qui sont pareils. Alors oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de films historiques qui sont américains. Ouais. En tout cas, ce que nous, on voit. Nous, on parle toujours de ce qu'on voit en France, dans les salles, mais... moi, j'ai... pour faire mon travail de recherche, j'ai juste tapé film historique sur Google et toutes les listes qui sortaient, c'était 98% de films américains. Il y a le cuirassé Potemkin. Ouais. Voilà, c'est... le film historique communiste. Ouais, voilà. Mais, qui est quand même lui aussi très inscrit dans son époque et son contexte politique. Mais tous les autres, c'est des films... Alors souvent, d'ailleurs, ceux qui ont eu le succès, c'est à partir des années 70. En tout cas, ceux qu'on voit aujourd'hui. Dans les listes des meilleurs films, et c'est toujours des une ou deux personnes qui sont des héros et qui sauvent le monde, qui sauvent leur pays, qui sauvent leur famille et tout. Mais je tiens quand même à préciser que on a chacun et chacune choisi des films qui n'étaient pas américains. C'est vrai, ouais. Allemand, français, et toi c'est. C'est britannique. Coïncidence. Fait par un réalisateur grec. Oui, mais c'est parce qu'on est au crible, voilà, on fait exprès de faire les malins, mais en vrai les films ils sont américains. J'ai juste une question quand t'as parlé de film américain qui montrait, enfin qui en gros, enfin film américain ou pas. Mais en fait non, c'est les films américains historiques, ils montrent le bon côté américain. Enfin généralement c'est sur eux-mêmes et leur partie et leur histoire. Mais du coup les films qu'on a choisis qui ne sont pas américains, qui sont allemands, français, qui parlent même pas de l'histoire américaine d'ailleurs. En plus, est-ce que ils prennent partie, enfin ils valorisent leur pays par exemple? Tu vois ce que je veux dire? La reine Margot, est-ce qu'il donne une bonne image de la France? Est-ce que, Moi, je trouve que La Favorite, ça donne pas forcément une bonne image de... Mais je pense que c'est des films aussi beaucoup moins patriotiques que ce que peuvent faire les Américains en un sens. Parce que les Européens sont beaucoup moins... Après, c'est dur de faire aussi patriotique que les Américains. On est aussi sur des films où il y a un conflit interne dans les pays. Donc du coup, c'est pas... on se bat pour la justice... Et puis même les conflits internes dans les films américains, genre généralement c'est la guerre civile, c'est les confédérés contre les fascistes. Et ben toujours c'est les Américains sont les meilleurs tout le temps, même quand c'est des Américains qui s'affrontent entre eux, tu vois. J'ai pas de titre en tête de films comme ça, mais j'ai bien des images de plein de films qui parlent de cette époque. Alors si, il y a comment il s'appelle Il y a Lincoln. Lincoln chasseur de vampires, bien sûr. Le seul et l'unique. Bah écoute, c'est un film historique, qu'on le veuille ou non. Ouais. Chacun ses rêves. Non, mais toujours il y a l'Amérique prendra le dessus à la fin, etc. Et qu'on retrouve moins quand même dans les films pas américains. Mais c'est complètement lié à leur histoire. C'est un pays qui a 300 ans, tu vois. Genre, y a rien qui a plus de 300 ans dans leur pays. Donc forcément, ils ont besoin de se booster un peu, tu vois. Bah après, on peut sûrement trouver des petits films de guerre français contre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Oh oui, je suis sûr. Ah, mais ça, c'est très sûr. Patriotique, je pense. Ouais, mais après, moi, je te parle des gros blockbusters, tu vois. On va pas aller dans le film indépendant. Ça va pas nous aider pour isoler les clichés, tu vois. T'as quand même le film Le jour le plus long, où c'est France, Grande-Bretagne, États-Unis qui réunit tous leurs meilleurs acteurs pour montrer à quel point ils ont tous ensemble, la France également, bien évidemment, réussi ce débarquement en Normandie comme des héros sont en fait les meilleurs. Et t'as vraiment genre tous les acteurs connus des pays. Genre, il y a même Arletty dans un village qui. Je sais pas ce qu'elle fout là. Enfin, bref. Mais c'est vraiment genre le truc en mode ensemble, main dans la main, comme de bons guerriers et de bonnes, vaillantes personnes. Tous les Français à l'écoute de leur radio pour écouter Charles de Gaulle, parce qu'on sait que tous les Français étaient à l'écoute de la résistance. Déjà, ils étaient tous résistants, ok. Tous. Aucun sous le régime de Vichy. Il n'y avait pas du tout, ça n'existait pas, les. Voilà. Les méchants, c'était pas les Français. Après, ça fait vraiment genre le film choral historique, mais en même temps. Il faut sauver le soldat, rien. Après, c'est vrai que. D'un point de vue cinématographique, toujours les méchants, c'est les autres. Oui. Et bah dans les vies des autres. Dans la majorité des cas, oui. Mais... La vie des autres, c'est assez particulier parce que, justement, j'avais repris pour les clichés qu'il y avait un peu un personnage ou plusieurs personnages centraux et à côté, t'avais des protagonistes et des antagonistes. Et dans la vie des autres. Pardon. Dans la vie des autres, c'est un peu particulier parce qu'au début du film, l'antagoniste, on sait tout ce qu'il sait. C'est le chef de la Stasi, mais plus le film passe et plus on se rend compte que c'est pas lui l'antagoniste, que c'est le système allemand, Allemagne de l'Est, etc., etc. Et donc du coup, c'est pas des personnages contre les autres. Tu veux dire qu'au final, le chef de la Stasi était humain finalement ? Ouais. Non, c'était un robot, c'était Schwarzenegger en fait. Je vous ai pas dit, mais. T'as un T-800. C'est dans la vie des autres. Deux. Produit même par production. Le... Voilà. Titanic 2. Il se passe la même chose. Et réalisé par le réalisateur de Terminator que j'ai oublié le nom. Oh punaise. James Cameron. Eh bah voilà, j'avais oublié son nom. T'as oublié le nom de James Cameron. Ouais bah ça arrive. Hein. C'est parce que j'ai trop attendu pour Avatar 2. On attend encore. T'en auras 4. T'en auras 5 même. Mais ouais, du coup, avec tout ce qu'on a dit, on peut isoler quand même quelques trucs. La romance, surtout, faut toujours qu'il y ait une romance. Oui, dans tous les films. L'exagération. Ouais. Moi, je pense que ça tout recoupe sous le mot exagération, tout le temps. Ouais. Même dans les petits films qui se veulent un peu plus factuels, on va dire, c'est quand même. On exagère tout le temps. Toutes les actions des personnages, toutes les valeurs. Putain, les valeurs des personnages, toujours. Avec les petits discours et tout, il faut, super encourageant. Il faut en faire une histoire de valeur. C'est toujours ça. Même quand t'as un conflit où en fait c'est des, en vrai la Seconde Guerre mondiale par exemple, c'est le sujet des films historiques, même des films pas historiques de comédie ou quoi, c'est le sujet. Voilà, je pense que c'est le contexte historique où il y a eu plus de films. À raison, hein, mais tout de même. Il en sort tous les mois. Hein. Ah mais oui, c'est même toutes les semaines je pense il y avoir des films qui se déroulent à cette époque là mais en vrai c'était des gamins qui étaient envoyés parce que enfin ils faisaient la conscription et ils se battaient contre d'autres gamins, tu vois, genre c'était juste ça, tu vois, alors que c'est toujours des héros dans tous les films de Seconde Guerre mondiale qu'on voit ou quoi, il y a toujours on va mettre les potards à donf, tu vois, genre mets-toi 11, c'est un peu le message. Je sais pas quoi dire. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai un film en tête, mais j'arrive pas à le caser dans ce qu'on dit. C'est horrible. En fait, quand tu as parlé des Américains qui étaient très patriotiques dans leurs films, moi, j'ai pensé à Le Roi, le film qui est sorti sur Netflix là, avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson. Ah, les Anglais contre les Français, non ? Ouais, voilà, je me suis dit, mais merde, mais c'est pas américain. Et si, c'est américain. Mais du coup, c'est australo-américain. Australie-États-Unis. Ouais, il me semble que c'est beaucoup plus produit par l'Australie, il me semble. Sur Wikipédia, ils disent les deux. Et en fait, là-dedans, bon, il y a eu un énorme débat chez les historiens parce que c'était pas du tout historique, c'était vraiment romancé. Et puis le film était chaotique, hein. Il a des bons côtés, pas beaucoup, mais Timothée Chalamet. Non, même pas, j'allais dire Pattinson, parce que justement, Pattinson... Encore il a ça fait 4 épisodes... C'est pas moi, ça, c'est Lauriane. 4 épisodes de suite que tu nous parles de Pattinson. C'est pas moi, je suis influencée par les... Enfin, bon, là, j'avoue, je suis toute seule, mais les autres fois, il y avait d'autres gens, ok. Mais du coup, Pattinson, il incarne le roi français et il est complètement tourné au ridicule, alors que en vrai, enfin dans les histoires, dans l'histoire avec un grand H, il était pas du tout comme ça. Et je me suis dit, en vrai, il était grave stylé. C'est ça que t'es en train de dire? Je sais pas. En vrai, le roi français était pas, grave stylé. C'était. Mais qu'il avait de la sape. C'est comme dans le film Elisabeth, l'âge d'or, il me semble. Où Vincent Cassel incarne le roi français, je crois que c'est le roi français. Oui, un truc oui, oui. Totalement ridicule. Oui, dedans. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, c'est parce que c'est les Britanniques, c'est du côté britannique, etc. Et ils ont fait, même pas, c'est des Américains, du coup, qui ont fait le film et qui ont quand même pris le parti britannique. Merci pour la France, c'est gentil. Mais, c'est parce que c'est leur cousin. Ah oui, c'est le Commonwealth. C'est vrai. Donc du coup, bon, voilà, après, c'était, ils prennent. Enfin, en fait, je trouve ça assez ouf quand même que dans les films historiques, il y ait toujours un parti pris. Mais parce que c'est... Tu peux pas et que ce faire soit pas neutre, je pense. Enfin. Bah sinon tu fais un documentaire. Sinon, voilà, c'est ça, tu et n'as encore, pas la narration. Encore même et encore même les documentaires, ils sont vachement. Venez, on fait un docu en fait. Non, non, voilà, je trouve ça dommage, j'ai pas de film en tête où il n'y a pas un parti pris, où il n'y a pas une influence, même Dunkerque. C'est américain, bah, et ça, vrai, même si les Américains tu les vois pas trop, tu les vois à la fin, bah, ils sont vachement en mode. En vrai, Jojo Rabbit, il n'y a pas vraiment de parti pris. Hein. J'ai pas. Bon, quand même, les nazis, c'est des méchants dans Jojo Rabbit. Ouais, mais. Après, c'est dur de les mettre gentils. C'est. Pas facile. Tous quoi. Les Allemands n'étaient c'est pas nazis déjà. Oui. Non, mais oui, c'est sûr que c'est un peu compliqué de faire en sorte qu'ils soient gentils, mais il y a forcément des films allemands qui doivent en parler, non de... des gens qui étaient forcés d'être. Bah, d'être la liste de Schindler. Dans... Ouais, la liste ouais, de voilà, Schindler. Par exemple. Ouais, ouais. J'ai pas vu. Donc, moi non plus. C'est une honte. Hein. c'est un véritable chef-d'œuvre. Ouais. Oui, mais on pleure dedans. Enfin, ah, en oui, voyant, non, et j'ai pas envie de pleurer. On pleure beaucoup. Tout à l'heure, j'ai failli chialer devant un mec qui parlait de Vice Versa. Donc, pour te dire à quel point. Les nerfs, moi, ils sont les là, films, oh là. Pour te dire à quel point, devant un film, je suis. Voilà. Peut-être la liste de Schindler, on va. Je vais attendre un peu d'être stable émotionnellement, tu vois. Mais il y a un autre film bien. Où il y a un Allemand, pour le coup, qui sauve un pianiste juif. Le pianiste. Et le voilà, pianiste. Le pianiste. Ouais. C'est pas, donc, du coup, pas contre avec la groupie du pianiste, hein, qui n'a rien à voir. Une chanson de... Ah oui, bah non, du coup, non. Ouais, si je suis le seul à avoir la ref, elle marche pas. Ouais, non, là, paf. Elle serait coupée au montage, évidemment. Bah oui, parce qu'il faut toujours te montrer sous un profil éclatant. Bah, c'est moi qui ai la main sur le montage. Donc, aïe. Du coup, voilà, oui, il y a le pianiste aussi qui montre, bah, pas, oui, qui montre un Allemand qui sauve un juif. Enfin, qui sauve, oui. Et qui même. Crève juste et après. Et qui crève oui. À la fin, oui, oui, oui, parce que l'autre, il l'a oublié. Genre, il a oublié son nom, je sais plus, bref. Voilà, c'était juste pour ajouter une petite ref cinématographique. On pleure aussi devant ce film. Même s'il est... ouais, beaucoup, ouais. Bah, ouais. En vrai, ça va, j'ai pas trop pleuré. J'ai trouvé ça super long, par contre. Ouais, oui. C'est ça fait bon. Un petit moment que j'ai pas vu. Moi aussi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je me souviens juste de cette scène-là. Qui était du piano bien. Ouais. C'est vraiment est... beaucoup du film. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de piano dans le film. Ouais. D'ailleurs, bah, le titre, hein, finalement. Ah, bah, la scène du piano où il y a l'Allemand qui vient et qui le voit, bref. Bah encore des films qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, hein, finalement. Oui, bah après, mais c'est beaucoup, parce qu'on hein. On a lancé le sujet bah des là, Allemands. On a lancé le sujet aussi, ouais. Mais du coup, est-ce que, nous, dans notre film, est-ce qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale ou est-ce qu'on parle d'une autre époque historique? Bah, disons que la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment l'époque historique qu'on connaît peut-être le mieux. C'est ce qui se rapproche le plus. Après, c'est ce qui oui, laisse le moins de marge, bah, de manœuvre. Ouais, parce qu'il y a mais justement, c'est ça qui est drôle. Ça a tellement été développé partout que du coup, ouais. Faire un truc original dessus, ça va paraître un peu compliqué. Moi, je pense qu'on part sur la guerre Coca-Pepsi, c'est très bien. La guerre Reddit. Voilà, ça. Airplace. Putain, venez, on fait un film sur le Airplace. Voilà. Bon, il n'y aura pas forcément tout le monde qui aura la ref, mais... Je n'ai pas la ref. Reddit, oh, tu parlais de Reddit. Je... Non, mais moi, j'ai juste regardé les résultats sur Twitter, d'accord, les Espagnols qui rageaient, j'étais voilà, bien content. Moi aussi. Voilà. Et moi, j'avais aucune ref, on m'a juste bah, c'est dit, il y a Place. Ça, et j'ai tout compris de tout le fil Twitter ouais, qui débarque. Il n'y avait pas ça. Besoin, tu vois, sur Twitter, tu comprends tout. Tu hein. Comprends tout. N'empêche que t'avais pas le Airplace, hein, donc il n'y a pas de... Mais parce qu'ils n'en parlaient pas. Mais c'est le nom du Pixel War, là, merde. Bah non, le nom du Pixel War, c'est Pixel War. Non, c'est Air slash Place. C'est Pixel War, c'est un surnom, parce que c'est devenu... On préfère guerre, le hein. Surnom. Parce que ça... Bah, encore une fois, ça romantise grave ce que oh c'est. C'est-à-dire, c'est placer c'est placer des tuiles sur une borde de pixels, et les gens ont ça Pixel War, voilà, alors que c'est vraiment... C'est plus stylé quand même, Pixel War. Oui, bah voilà, bah c'est le. Toujours plus stylé que le film Pixels. Non. Il était pas si. Non, arrête. Mal. Arrête, je vais te mute. Allez le voir. Non, en vrai, en vrai, il est drôle. Voilà. Mais oui, du coup, on part sur quelle époque historique? Bonne question, du coup. Bah, c'est pour ça que je la pose, finalement. Il y a très peu de films historiques sur les hommes de Cro-Magnon, Néandertal. Il y a ouais, oui. J'y ai pensé. Non, il y a la guerre du feu aussi. Il y a la guerre du feu et mon Dieu, qu'est-ce que je me suis. Putain, il est nul. Il est pas nul, il est pas nul, mais enfin, il faut moi, adapter moi, son je regard. Le dis. Moi, je le dis, il est pas ouf. Si, il y a le film aussi avec Ron Perlman, je sais plus comment il s'appelle, A.O. Un truc comme ça. Attends. A.O. Ah, ça me dit quelque chose. Attendez. Non, mais moi, ce que je trouve marrant aussi, c'est de rajouter des petits anachronismes par-ci, par-là, à la Sofia Coppola qui met des converses ouais, dans genre un Marie-Antoinette. Exactement. Trop bien. Moi, c'est un truc qui me tenait à cœur aussi, de ce petit côté... bon, en fait, on fait un film sur une époque, mais est-ce que ça a vraiment une importance? En fait, c'est on fait un film sur un personnage, quoi. Ouais. C'est vraiment... Mais voilà, c'est ça, c'est toute une fiction autour. Et... Mais en vrai, c'est Marie-Antoinette, même s'il y a pas mal d'anachronismes comme ça, mais qui sont voulus pour le coup, ça reste quand même, genre, ça suit de A à Z, les faits historiques qui sont racontés et son d'ailleurs, état d'esprit, il a été prouvé qu'elle avait des converses à un moment. Demain, on peut pas nier les faits. J'ai trouvé ça sur Internet. Ah, il a beaucoup potassé. Exactement, on voit ça. Sur des sites non référencés. Mais du coup, voilà, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on peut ajouter une touche scénaristique et visuelle loufoque, actuelle, tout en restant quand même hyper dans les rangs en termes d'histoire. Quoi. Voilà, et ça marche bien parce qu'on a justement moins d'icônes visuelles. En fait, on a moins de représentations de ça. On a que des tableaux avec des grosses moumoutes sur la tête et après bon bah on rajoute des oiseaux dedans et bah pourquoi pas bah voilà, on n'a pas les refs. Non mais sinon il y avait une autre période historique qui m'a marqué, c'est la guerre des émeutes en Australie qui est une guerre officielle que l'État d'Australie qui a d'ailleurs produit le roi a déclaré aux émeutes, c'est-à-dire les animaux, les émeutes, les vaches. Non. Mais c'est méchant, c'est bestiole en plus. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça. Ça ressemble à quoi? Alors, c'est à des grosses autruches. C'est littéralement des grosses des autruches encore avec plus agressives. Avec une petite plus crête grand. Rouge là. Avec une crête, ouais, comme le Grelmint méchant là. C'est littéralement ça. Et ils ont déclaré la guerre à cette espèce qui envahissait peu à peu les territoires. T'écris ça comment? E M E U. Me. Ah bah en fait, je parlais de la guerre du feu. Avec Ron Perlman. Ah, c'est littéralement une grosse autruche, quoi. Ouais, mais qui est vraiment beaucoup plus dangereuse. Encore plus méchante. J'ai vu un TikTok sur ça, j'étais là en mode... On dirait l'animal à la fin de Don't Look Up qui mange Mary. Oui, ah c'est ça, en fait. L'Australie a déclaré une guerre officielle, donc il y a eu un traité de guerre, tout ça, et ils ont perdu cette guerre, voilà, contre les émeutes. Parce qu'ils n'arrivaient pas à buter les émeutes, à les faire repousser, du coup ils ont dû reculer. Non mais en même temps l'Australie c'est un pays de chétane là-bas, toutes les bestioles qu'il y a. Ouais, mais... Imagine s'ils déclaraient la guerre à toutes les bestioles qu'il y a justement. Ils n'ont pas fini, hein, ils ont perdu rang, là, les serpents qui se baladent dans les restos. Ils ont perdu la guerre contre des émeutes, voilà, je voulais juste partager ça. Ah bah ils étaient là avant nous. Hein. Ouais. Techniquement oui. Mais ils ont pas les machine guns, ok. La guerre a duré. C'est étonnant qu'il y ait aucun film là-dessus parce que. Mais justement, c'est pour ça que je veux en faire un là. La guerre a duré un mois. Ouais, voilà. Ils ont perdu. Un mois. Du 2 novembre 32 au 10 décembre 32. Ils ont construit des tranchées aussi. ils ont fait les choses bien aussi. Ils ont voulu imiter les Allemands en faisant la Blitzkrieg, mais ils ont perdu, tu vois. Mais en même temps, ils courent très vite. Mais ils courent plus vite. C'est vrai que ça court vite ces trucs-là. Mais venez, on fait un film sur ça. C'était à quelle le période général, du coup? Moi je veux faire 1930. On fait un biopic un sur général le général émeu. Le général de guerre humain de cette guerre là. Non, oh bon, là c'est là pas là. Forcément une très bonne idée. On rajoute des autruches aussi. Ah oui, non, ou alors on fait la guerre. Émeu versus autruche. Sur le général émeu et on voit son alliance avec les autruches, les négociations, les traités de paix qu'il y a contre les humains. Là. Moi je veux ça. Et il faut quand même une petite romantisation là-dedans. Si on est d'accord sur l'amour impossible. Non, l'émeu il tombe amoureux d'une humaine justement qui est dans le camp d'en face. Allez, venez, on fait ça s'il vous plaît. Ça me ferait beaucoup plaisir. J'espère qu'on n'a pas de scène de sexe parce que ça sera extrêmement bizarre. Non mais on part sur ça ou on part sur autre chose? Bah là, on est bien parti. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Humain versus animal sur l'Australie. Déjà, le titre, il faut si on trouve pas un titre, on va ramener les kangourous après. Aussi. Ok. C'est ça qui est grave. Okay. Grande barrière de corail, tout le monde est impliqué. Ce film est inspiré de faits réels. Ouais. C'est pas. T'as petit rien qui débarque, coucou. Ok, donc le début du film. Donc c'est émeu versus humain. Hein, c'est pas le titre. Mais ah non, histoire. 1er janvier 1901 pour l'Australie. Comment ça? Bah je sais pas. C'est marqué ça sur Wikipédia. Date. Date. Ça c'est les programmes des collèges. C'est marqué ou... histoire. Royaume-Uni. Ah bah c'est l'indépendance. Bretagne. Ah c'est l'indépendance en 1901. Mmh, okay. Avant c'était colonisé. Ah oui, avant ils ramenaient les bagnards, je crois. Oui. En Australie, c'est ça. Et tous les animaux qui voulaient pas, visiblement. Ouais. Les émeux. Bah, notamment les émeux. Il y a les koalas, on touche pas aux koalas. La scène, la scène c'est la Suisse. La scène d'intro, justement, c'est un bateau qui part du Royaume-Uni ou d'une colonie anglaise, genre les Indes ou quoi. Donc en 1901. Voilà. En 1900, du coup. D'accord. C'est juste avant l'indépendance. Et c'est. Ils ramènent deux émeux, un mâle et une femelle. Dans une cage et tout, et ils arrivent, et là, bam, il y a le titre du film qui apparaît sur fond noir et tout. Genre, c'est l'origin story du général, tu vois. Ok. Le général meut. C'est le premier émeu à être venu sur cette terre d'Australie. Et on va le suivre. Et donc là, on a une première scène, on est sur le bateau, tout ça, on est avec des humains au début. Mais l'émeu, il vient d'où, du coup, de base? Arrête de poser des questions. Bah, d'Angleterre. Avec les autruches. Ah non. Ah d'accord. Mais je croyais qu'on partait d'Angleterre, non? Non, mais d'une colonie anglaise. Parce qu'ils ils amenaient tout là-bas. Bon, à l'époque, c'était un peu organisé quand même. Tu vois, ils avaient les Indes et tout. Ils avaient l'équivalent de la moitié du globe à eux. Mmh, c'était en mode, bon, on fait des échanges entre nous, tu vois. Donc ils partent d'Afrique, du coup. Je sais pas quelle colonie Afrique parce que du Sud à mon avis. Ouais. Allez, le Cap. Afrique du Sud. Voilà. Et ils partent du port du Cap. Et ils vont jusqu'à. Bah, c'est Canberra, je crois. Sydney. Non, Canberra, c'est la capitale. Ouais, mais c'est là où il y a, là où y a un port. Non, je c'est sais Sydney, pas. Je crois. C'est Sydney. Ouais. Et bah, ils vont à Sydney. Oui, Canberra, c'est dans les terres, je crois. Ouais, c'est entre Melbourne. Donc là, on mélange histoire et géo. J'ai eu 4 au bac. Franchement, vous m'aidez pas, les gars. Moi, je connais. Alors, ils traversent l'océan Indien. Je connais que les drapeaux, moi. En Inde. On prend un peu de thé et on s'en va. C'est ça. Et en Inde, ils ont pris des koalas. C'est ça. Mais en fait, avec des dents. De Noé. Des dents qui piquent. C'est l'arche de Noé, mais avec que des créatures méchantes. Bah, koala, ça va. Oui, mais non. C'est méchant, les koalas aussi. Si c'est en Australie, il faut qu'il y ait un twist. C'est-à-dire que c'est un animal mignon, mais il peut te tuer à n'importe quel moment. En fait, en Australie, t'as une sorte de gaz. qui rend méchant les gens qui vont, les animaux qui vont là-bas. On peut le mettre dans le scénario. Mmh. En fait, à la base, c'était une autruche, en fait. Ouais. Qui a muté. Bah, du coup, vu que ça se passe dans les années 30, la guerre, genre, c'est les nazis qui ont fait des expériences ouais, sur les émeux. Ouais, c'est ça, c'est obligé, c'est toujours la faute d'eux. Ouais. C'est toujours la faute des Allemands. Parce qu'il y avait une sorte de camp là-bas d'animaux atrophiés. Ok, donc, attends, on commence quand même par la première scène. Donc, on est sur le bateau. Et là, on voit... un capitaine qui donne des ordres et tout, ils amarrent, etc. Et puis, il débarque une grande boîte qu'on voit un tout petit peu bouger. Il y a marqué provenance, le cap. Et là, le bateau coule. Fin générique. C'était Titanic 3. Non, le cap, du coup. Hein c'est... On a déjà dit le Titanic 3, on en a parlé tout à l'heure. Oui, mais il n'est pas encore il sorti. Il n'est pas encore sorti. Ah, d'accord. Là, c'est nous, on prend l'exclu. Maintenant... D'accord. Ça fait date, voilà. S'il y a un Titanic 3 qui sort, on va avoir de l'argent. Titanic 3 qui a vécu avant Titanic 1, du coup. C'est incroyable. Ouais. C'est comme Titanic les Star Wars, en fait. Tout est à l'envers. Oui, c'est 10 ans avant, en fait. On est dans le multiverse, là. C'est ça, ouais. Titanic 3. Bah écoute, voilà. C'est fou. On s'adapte au marché cinématographique d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un multivers, on le fait. Dans le monde réel. On rajoute Iron Man, du coup ou... Ouais, il va venir contre les émeux. Spider-Man. Avec les puits de toile d'araignée là-bas en Australie. Un Spider-Man sans costume et qui est juste un mec qui s'est fait mordre par une araignée qui est en train de mourir parce que c'est une araignée australienne. Avec une vieille toge et des branches pour s'habiller, genre une sorte de Robinson Crusoe. On n'est pas du tout un clochard australien, quoi, finalement. Et du coup, bon, il débarque à Canberra. Non, à Sydney. Oui, Sydney, bon. voilà. Et il débarque, point. Il débarque en Australie, dans un port que je ne saurais nommer. Et on voit la boîte qui bouge un petit peu. Et on fait un zoom, on rentre dans la boîte avec la cam. Et on voit. En mode Madagascar. C'est des émeux, exactement. C'est des émeux. Et on a un panneau 25 ans plus tard. Parce qu'il faut que ce soit un tout petit peu avant la guerre, quand même. On ait le contexte et tout. Et qu'est-ce qui se passe 25 ans plus tard? Parce que là, du coup. Non, mais attends, il faut quand émeux... même une petite scène avant le panneau 25 ans plus tard. C'est une petite scène où l'émeu, il va vivre aussi en Australie. Où il, ses premiers pas. Ouais, ses premiers pas. Ouais. En fait, petit pas pour l'émeu, un grand pas pour la guerre. C'est un petit pas pour. Bah, comment il s'appelle? Ah, déjà, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Gary. Je sais pas. Gary l'émeu. Gary l'émeu. Ça sonne bien. Ouais, ouais. Ça fait un peu l'escargot dans Bob l'éponge. Puis c'est un nom d'époque, quoi. Donc, Gary l'émeu. Gary l'émeu. Comment ça se dit émeu en anglais? Émeu. Imiu, je pense. Imiu. Ouais, il doit un truc comme ça. Sans déconner, je pense que ça se dit comme ça. Et donc Gary, accompagné de sa femme. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un personnage féminin, mais qu'il soit pas important, quand même. Parce que c'est un biopic. C'est oui, elle va crever dans... Eh ben, c'est ça qui déclenche la guerre. Elle va le tromper, moi, je pense. Avec un humain. Et après, elle va se faire renier et on n'entendra plus parler d'elle. Et il n'y a pas une mutation du bail, genre l'humain émeu qui débarque. Et en fait, c'est lui. Donc on revient sur un Marvel, en fait. Et en fait, c'est lui, personnage principal. Le pire super-héros de tous les temps. Captain America, The First Avenger. Mais 30 ans plus tôt, du coup. Voilà. Ça n'a pas marché. Non, on va dire qu'il n'y a pas d'hybride humain-animaux, s'il vous plaît. Pour le bien de ma santé mentale. Non, mais il faut quand même une romance. Oui, mais attends. Avec les autruches. On n'y est pas encore. Attention, faisons les choses dans l'ordre. On se disperse un peu là. Donc, Gary Lemieux, il s'appelle comme ça. Il débarque avec sa femme. Elle s'appelle comment sa femme? Pénélope Lemieux. Gary et Pénélope, ils sont relâchés dans la nature, dans un effort de protection des animaux. Non, bien sûr que non. C'est pour du coup, ils sont pas tout seuls. Ils sont relâchés dans la nature avec d'autres espèces. Où il y a vraiment. Non, que en fin de compte, le bateau. Bah, c'est un bateau classique où il y a des trucs, y a de la marchandise. Il n'y a pas que deux émeux, parce que quand tu veux faire la guerre contre les humains avec juste. Parce que 25 ans plus tard, ils ont eu le temps de faire toute une population. Ok, mais elle crève quand, du coup, Pénélope? Tu vas voir. J'ai tout dans ma tête. Moi, on m'a dit guerre entre émeux. Mais attends, ça dit combien de temps un émeu? Okay, non, mais ils sont mutés, donc ils peuvent vivre 100 ans, on s'en fout. Ils sont mutés maintenant. Non, mais c'est les Allemands. On a dit que le sérum n'était pas vrai. On a dit qu'au niveau factuel, voilà, c'était. On romantise à fond. Tu sais, les incohérences chronologiques, on est en plein dedans. Hein. On est vraiment sur les émeux en Australie. Et du coup, ils arrivent, ils débarquent et tout. Et là, ils voient la terre promise en soi, parce que l'Australie, c'est gigantesque, c'est un peu. Il n'y a pas d'humains, quoi, donc ils sont tranquilles. Mais dans du coup, le désert. Si ils ça fait 10 à, 10 à 20 ans. Oh, bah, ils ont muté, on a dit. On dit 40 ans, il est sur la fin de vie, c'est un général à la fin, voilà. Avec une petite moustache. Et il a un béret décoré aussi, avec une étoile dessus. Moi je veux, hein. Je veux que ce film aille au bout. Vas-y. Je ne peux pas reculer. À la fin, c'est le général Patton. Gary Patton. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Du coup, tu m'as coupé. Bah, il y a Pénélope et Gary qui gambadent joyeusement. Ils arrivent en Australie. Voilà. Et là, ils se regardent. Et ils trouvent un buisson. Ils disent rien du coup, vu que c'est des émeus, mais ils se regardent en faisant. Ça parle quelle langue? Bah si, il faut qu'ils parlent. Est-ce que du coup on les faut qu'on les comprenne. Ouais, ouais, voilà. On les sous-titre. On les sous-titre. Comme dans l'âge du feu là. La guerre du feu. La guerre du feu. Ils sont sous-titrés, c'est vrai. Bah oui, parce qu'ils parlent. Ils parlent en langage assez particulier. En grognement. À un moment ils rigolent. À un moment ils rigolent. Et c'est pas sous-titré. Il y a rire en cro-magnon. Different language. Du coup, par contre, là, pour remettre les choses, pour que ce soit bien clair, parce qu'on a dit qu'ils arrivaient dans un port, oui. Sauf qu'un port, c'est une construction de l'homme. Oui, mais après, ils sont déplacés, tu vois. Genre, en fait, ils sont vraiment balancés dans la nature. À ce moment-là, ils sont déplacés en voiture, sauf que la voiture a un accident, et du coup, eux, ils s'enfuient. Voilà, eux, ils étaient censés aller là, je m'y retrouve. Dans un espèce de zoo. Bah, c'est plus logique. Ouais. En fait, c'est un peu comme le début de plein de films de zombies. Jurassic Park. Oui. Mais c'est un peu comme le début de plein de films de zombies où genre il transporte un infecté et en fait il y a un problème sur la voiture et l'infecté il est dans la nature et donc il y a plein de Big up à Army of the Dead. Voilà. Fais le point à un moment, Zack Snyder. C'est flou, ton film est flou. Donc là on a le panneau quand même on va dire 20 ans plus tard parce qu'il faut que ce soit quand même un petit peu avant la guerre. Salut ou quoi, c'est une story. Ouais, je le laisserai. Mais sinon, à ce moment-là, c'est des bébés quand ils arrivent comme ça, il n'y a pas de. Non, mais ne prenons pas en compte, prenons en compte qu'un humain a la même vie qu'un humain. Moi, je suis d'accord qu'on prenne ce parti pris-là, sinon on n'y arrivera jamais. Et la seule manière qu'ils ont de mourir, c'est à la guerre, du coup, contre les humains. Parfait. Avec mais on a Rakiri. Hein. Et du coup, 25 ans plus tard, je pense que c'est important qu'on ait d'abord un plan large sur. Genre la savane, une ville, une installation d'émeux où ils sont pleins. Oui. Genre oui. En mode, on s'est installé. Ils ont développé l'agriculture. Ici, voilà, en fin de compte, nous sommes devenus sédentaires. Les émeux sédentaires avec un toit. On voit leur petit couple avec leurs petits enfants et après la caméra va dans le ciel. On voit le panneau 25 ans plus tard et ça redescend. Ah, j'adore. Avec c'est tout cliché, un village d'émeux. Ouais, c'est incroyable. C'est exactement ça. Avec des petits nids à travers. Ils ont une organisation où il y a vraiment les agriculteurs. Ils ont développé une religion. le saint émeu. Ouais, parce qu'ils sont coupés de la civilisation humaine. C'est tellement grand. Ils sont au milieu. Les humains, ils sont sur les tours là. Et ils sont au milieu. Ouais, ils sont pile au milieu. Et donc, ils sont un peu développés en parallèle des humains, mais très très vite. Ça va finir en chicken run. Alors, le film est en pâte à modeler, j'ai oublié de le dire. Okay. Bon, ils ont une organisation, voilà, on va pas. C'est un village. Voire une ville. Une petite, ils sont combien des meubles? Mais ils ont même des petites forteresses autour, en fait. Ils ont créé des remparts, voilà. Parce que c'est ce qu'on fait hein, quand on arrive dans un nouveau pays. On veut pas se faire prendre, donc du coup. Bah, je pense que pour faire la guerre, ils sont nombreux quand même. Ouais, il faut qu'il y ait une population adulte assez. Puis ça se reproduit vite, tu penses, hein. C'est comme les Gremlins, encore une fois. La crête, ouais. Et puis après, un peu d'eau, hop. S'ils ont 20 ans d'espérance de vie, j'espère qu'ils carburent hein, pour se reproduire, parce que s'ils doivent attendre comme nous, genre 18, voire 16 ans, ils sont sur la fin de vie, quoi. Mais il n'y a qu'une seule colonie d'émeux, ou plusieurs, du coup? Ah, il y a des villages, et ils ont des guéguerres entre eux, ils vont devoir s'unir contre l'oppresseur humain. Voilà. Moi, ça, j'aime bien. Sauf ça. Un village qui fera alliance avec les humains. D'irréductibles émeux. Qui résiste à l'envahisseur. C'est les nazis émeux. C'est les méchants. C'est les collabos émeux. Putain, qu'est-ce que je viens de dire hein. C'est les collabos émeux, putain. Mais du coup, maintenant qu'on a eu cette petite introduction des émeux, il faut qu'on ait l'introduction humain aussi de l'autre côté. Ouais. Parce qu'en fait, on prend quel parti? On prend celui des émeux? Des émeux. Parce que c'est les oppressés. Parce que c'est les émeux qui vont le film. Ah. C'est ça. Ouais, parce que les humains, ils ont fait toutes les guerres de l'histoire. Les émeux, ils en ont fait qu'une. Et ils l'ont gagnée. Elle a duré un mois. Et ça fait vendre. Le général émeu, putain. Je l'imagine vraiment avec un petit béret sur le côté. Là. Film d'animation, ça pourrait être bien. Moi, j'adorerais faire un film Arman. Hein. Ah ouais. Mais moi, je suis chaud. Hein. Ah, avec l'animation de Mitchell contre les machines et tout. Franchement. Mais carrément. Mais on s'égare. Là, on parle de bons films. Là, on veut faire un film de merde. donc, on voit un petit peu les humains quand même. Oui, bah. Faut qu'on voit que c'est des méchants. Oui. Ouais. Bah, on leur met une petite moustache là. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on les représente, genre vraiment genre insupportable, ouais, caricatural. Gros musclore, les yeux foncés comme ça. Vraiment, le méchant dans Avatar, quoi. Ouais. Il est classe, c'est ça. Bah après, mais habillé en tenue d'époque, par contre, parce qu'on est. Bah oui, dans les années 30. Enfin, voilà, années ça. Donc 25, avec un beret et des bretelles, un truc comme ça. Quoi. Un beret, il est en colon, du coup. Il est encore en truc. Une marinière et une baguette aussi. En Australie. La baguette australienne qui est dégueulasse, hein, sans doute. Hein. Jamais goûté. Tant que c'est pas français, c'est dégueu. Hein. mais c'est parce que le blé, c'est pas le même. Voilà. Les baguettes britanniques, déjà, ça m'a suffi. Hein. Ils ont pas de baguette en Angleterre, non? Ils en font, mais c'est ah, le marché de la baguette se développe. Hein. et le pain italien n'a pas de sel. Voilà, si on termine cette boucle. Le pain italien n'existe pas sauf dans les pizzas. Ça s'appelle la pâte. La pâte. Voilà. Il se mange cru d'ailleurs. On s'égare là, on s'égare quand même. Et donc, le méchant, on l'appelle comment le méchant Méchant. Le méchant. Bad guy. Méchant Johnson s'appelle. Yeah. Parfait. Le méchant. Il faut qu'il ait un grade un peu élevé. Maréchal. Genre, ouais. Non, ça fait trop connoté. J'ai même pas fait gaffe. C'est trop connoté, France. Lieutenant ou un truc comme ça. Ah, lieutenant, c'est un peu bas. Général. Hein. Général. Le général, c'est captain, le chef. Hein. Captain, c'est au-dessus du. Je crois pas, non. Du lieutenant. Oui, mais général, c'est le chef, tu vois. Oui, donc il y a un général émeu, un général humain, quoi. Bah, ok, deux généraux. Mais ce serait cool qu'ils aient pas le même grade, non? Non, ok. Ou alors on suit un soldat humain qui est justement embarqué dans cette guerre avec qui on a un peu de compassion. Et non, qui s'allie aux émeux. Ouais. Oh, lui, attends, il voulait pas faire partie de ça. Il y a trop de sous-histoires. Mais parce qu'en fait, on va faire un film choral. Avec tout plein de noms. On fait. N'importe quoi. Si, c'est bien. On fait comme Cloud Atlas, mais en version émeu, genre on suit tous les personnages. Bon, bah, à la fin dans 6 heures. Ok, donc non, on va quand même rester sur le méchant humain, quand même, le général humain. Et là, il s'appelle comment ? Johnson ? Quelque chose comme Johnson ? Ouais, général Johnson. Johnson, voilà, c'est général Johnson. Un bon nom australien. Ouais. Un bon méchant. Un général méchant. Johnson qui dit les émeus ils commencent à prendre trop de place et nous, nos villes, elles ont besoin d'espace et tout. Il faut qu'on les extermine. Ce ne sont que des animaux. Voilà. Petit message vegan, il faut défendre les animaux. Ce sont des nuisibles. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est des animaux. Donc en fait, on en fait ce qu'on veut, tu vois. Pour eux. Eux, ils ont faim, ils veulent juste du KFC et il n'y a que ça. Donc du coup. On n'a plus de poulet, donc on prend des émeus. Allez. C'est les spécialités locales du terroir, KFC. Là. Et donc, il dit ça, etc. Ils ont un discours à la télé. Et les émeus qui... À la télé ? Ouais. Oui, oui, bah oui. Ah non, quoi que dans la radio ? Ouais, la radio. La radio. Il n'y a pas encore tout le monde qui a la télé. Là, du coup, c'est KFI. KFI. Kentucky Fried Emeu. Ah, ok. Les émeux. J'ai réfléchi pour cette blague. Mais du coup, c'est même pas Kentucky. C'est Australia Fried... AFI. Ouais. AF. Af. C'est ce qu'ils font les émeus quand ils sont en colère. Af. Af. Calmement. C'est parce qu'ils ont été modifiés par les émeus. Je ne suis pas content. Est-ce qu'ils ont un accent, les émeus? Ouais, mais je veux qu'ils aient un l'accent accent. L'accent du sud. Un accent français du sud, exactement. Allez, c'est parti. Bon, on va mais pas je les... croyais qu'ils parlaient pas et qu'on les sous-titrait. Oui, ah, mais quand ils parlent. Bah, mais oui, mais il y a bien on les sous-titre en marseillais. Quand il parle, il y a marqué putain con de peu cher. Tu vois. Il y a peut-être la voix off derrière, c'est François Civil qui a l'accent marseillais. Que moi je veux ça. La version, la VF c'est ça. La VF canadienne même. Voilà, donc il fait un discours à la radio et les émeus qui ont développé la radio en 25 ans quand même. Ils sont forts. Eh ben, n'empêche, on a beau dire, ils ont des ressources. Et ils entendent ça, ils disent ok, on est dans la merde et tout, il faut qu'on convoque l'Assemblée Générale des Émeus. Nager, le conseil des 5 cahiers émeux. Je viens de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Voilà, moi j'apprécie. Donc l'Assemblée Générale des Émeus, qui normalement est une assemblée exceptionnelle tous les 5 ans, hein. Je vais pas vous faire le dessin, vous connaissez toute l'histoire. Qui se déroule dans l'amphi E2 de Paris-Nanterre. Ouais. C'est d'ailleurs une belle trotte, hein. Mais la France. Mais la France est heureuse d'accueillir une communauté. Elle en est même fière. La France est un pays de diversité, de par ses émeus. Et a coproduit le film, en fait. Et là, ils sont obligés de faire un truc d'assemblée exceptionnelle, alors que c'était pas prévu. Mais on va rester en Australie, quand même. On va pas multiplier les décors et tout. On reste en Australie. Il n'y a pas la thune, en fait. Non, tout simplement. Alors qu'on pourrait, hein, techniquement, on le fait pas, le film, mais... Non, il faut penser pratique. Et du coup, là, les chefs des 2-3 villages différents, je sais pas combien il y en a. Mais alors, notre général, c'est genre le chef de tous les villages ou juste c'est le fondateur. Ça va le devenir. C'est pense qu'ils vont faire un vote et ça va devenir le général en chef. C'est un peu le vieux, je pense qu'il y a, le vieux sage, ouais. On va dire 5 villages, 5 généraux, plus lui qui va devenir le général en chef. Bah, il y a le village de Konoha, le village totalement, j'ai pensé totalement à ça. Bah, moi aussi. Et ouais, du coup, il y a les cinq chefs, ils vont se réunir et ils vont élire un chef suprême de guerre pour savoir ce qu'il faut faire parce qu'ils sont jamais d'accord et tout. Et lui, c'est le fondateur, puisque c'est lui et sa femme, c'est les deux premiers. Mais pourquoi les sa vieux femme, sages et elle tout. Meurt pas à cause d'un humain? Non, mais elle est morte à 20 ans, tu vois. Elle est morte à 20 ans. Elle est déjà morte? Oui, on va dire. Non, ils ont peuplé. C'est un personnage féminin dans les films historiques. Ils l'ont peuplé après que leurs enfants qui ont fait la tata entre eux là. Tu as le sexe. Du coup, il vit combien d'années le général, le premier général? Il vit des centaines d'années, du coup. Comme un humain, on a dit. Oui, on a dit qu'il était... Comme un humain, ouais, oui, mais du coup, je trouve que biologiquement parlant, ça ne marche pas. C'est pas grave. Je sais pas. Pourquoi? Si ça vit comme un humain, 30 ans plus tard, il a juste des. Deux enfants. Non, ouais, mais non, il se reproduit quand même au rythme des émeus, c'est-à-dire. D'accord, ok. L'idée, ça grandit, c'est que ça enchaîne. Il va connaître ses petits enfants. Ok. Non, mais c'est bien, si sa femme, justement, elle est morte il y a 3-4 ans à cause d'un humain. Moi, je suis et contre. Que lui, il a une certaine rancœur envers les humains. Et elle a été servie dans un Australian Fried Emu. Ouais. Non, pourquoi t'es contre? Ça crée une rancœur. Moi, je pense qu'elle, elle doit mourir à un moment, genre. Pendant la guerre. Au climax, au paroxysme. Non, ça, c'est un de ses enfants qui va mourir. Mais il en a trop. Je sais pas. Ouais, si tous les enfants qui ont comme ça. Un des premiers enfants qu'on a vu quand ils étaient petits avant l'affiche 25 ans plus tard, tu vois. Okay. Le truc où c'est ses premiers enfants. En vrai, moi, j'aime bien l'idée de dès que la femme elle meurt justement parce que elle. Vu que c'est entre guillemets une émeu femelle, pas une femme du coup, elle fait pas la guerre. Une émeulaine. Moi j'aimerais bien que dans ce général émeu, il y ait quelque chose, vu qu'on est du côté des émeus, c'est un gentil. Alors en fait, au départ, il veut pas forcément faire la guerre, il est là en mode, mais les humains, à la Nelson Mandela, tu vois, genre claque-moi la joue, je tendrai l'autre, on va essayer de discuter, tout ça, et là. Ils ont fait trop de trucs, mais au départ, il était en mode « Mais mes amis, attendez, on va voir !» Et patatras, il la tue et il fait « Non, c'est parti, go, go, go !» Les gars, ouais. On fonce dans les villes et tout, genre... Ouais. Mais c'est là, à ce moment-là, qu'il devient, entre guillemets, méchant, en mode « Pas de pitié !» Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il dit pas comme en ça, fait, il dit « Blablabla !» Très belle interprétation. Je parle pas les mots, donc j'ai fait « Blablabla !» Mais... C'était ressemblant. Bah écoute, t'aurais pu faire le dindon. Je suis ornithologue. Ouais, enfin, je vais quand même pas me ridiculiser devant. Hein, bon. Je le rajouterai au montage. Je l'enregistrerai tout seul tout à l'heure quand vous serez parti. Je le rajouterai au montage. Et, Il faut qu'il ait un cœur, ce général, je pense. Ouais, bah oui, c'est ça. Faut qu'il... Et puis il faut qu'il ait sinon, il respire pas. Hein. Alors, c'est les poumons, par contre. Je veux pas dire. En fait. Ah, c'est les organes vitaux. Oui, voilà. Puis je suis pas sûr qu'un émeu soit foutu comme nous. Après, je suis pas ornithologue, hein, mais. On a dit que ça vivait comme les humains, donc. Mais ils sont pas. comment on dit quand ils ont la forme d'un humain là, ils sont pas. Bipèdes. Non, mais ça finit par morph, le mot. Anthropomorphe. Anthropomorphe, voilà, merci. Non, c'est un Pokémon. Et on rajoute. Et du coup. Donc là, il y a une première tentative de négociation avec les humains. Et les humains, ils arrivent avec une armée, les émeus aussi, mais ils sont là pour s'échanger des paroles, un peu comme n'importe quel cessez-le-feu entre deux. Et comment deux ils se comprennent du coup? Grâce aux sous-titres. Oui, alors les sous-titres sont intradiégétiques, d'accord. Que quand les émeus parlent, il y a du texte qui s'affiche. Et je pense qu'ils regardent pas dans les yeux, ils lisent en dessous. Non, mais ils ont un traducteur. Voilà, puis tout bon Australien doit savoir parler l'émeu vu qu'il est complètement colonisé par l'animal. Pas faux. Ça me paraît évident. L'émeu du sud. Exactement. L'émeu du sud. Ils ont un traducteur. On va pas se faire chier avec ça. C'est pas le truc le plus important de la guerre entre les émeus. Moi, je trouve que c'est une question à laquelle il faut réfléchir. C'est vrai. C'est tout réfléchi. C'est bon. Mais du coup, c'est fait. Et donc, ils ont des tracteurs, etc. Et sauf que les humains, ils disent, ok, bon, vas-y. Ils font semblant de dire, ok, on va trouver un arrangement, etc. Et là, quand le négociateur il tourne le dos, bam, il mitraille toute la garnison qui était venue l'aider. Sauf le général. Non, je pense que c'est mieux si justement la garnison, enfin les émissaires émeux rentrent chez eux et qui disent justement général, ouais, c'est bon, on a tout réglé, tout est bien et tout. Et que là, il y a les humains qui les attaquent en loose day. Non, j'ai une idée. Attends, il y a un truc, un trope dans les films de guerre qui est tout le temps ça. Ils en tuent tout sauf un et il dit. Tu vas devoir dire aux autres ce qui s'est passé. Ça c'est parfait. C'est génial. Mais du coup le général dans 300 film historique incroyable d'ailleurs. Bah oui, sur la mythologie, enfin pas la mythologie. Mais... Dis à ton maître que Tai Lung est de retour. Et il connaît la réplique par cœur. Ouais, on a les rêves des bons films, on les a pas. Hein. Exactement. Un film de guerre d'ailleurs. Totalement. Un petit peu. Avec des animaux. Il n'y a pas d'émeu. Il n'y a pas d'émeu. Bah, mais il y a une autruche. Son père, non, c'est une oie. Donc, il n'y a pas des autruches, c'est des oies. Il y en a un avec des grandes pattes, non? Dans c'est les... un cousin éloigné. Non, c'est un... Une cigogne. Oui. Il y a une cigogne. Ah oui. Cigogne, autruche. Ouais, c'est plus... C'est pas la même chose. Il y en a deux qui volent pas, quoi. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas ornithologue, mais visiblement, nous non plus. Et est-ce qu'il débloque un pouvoir où il peut voler à la fin, le général? Genre à force de battre très très fort des ailes. Mais non, parce qu'il a trouvé la de l'amour. De ouais, de c'est la vie, vraiment Peter Pan. Je peux voler, j'y crois. Poussière de fée. Exactement. On n'est pas dans les Wings. Hein. Mais du coup, le dernier survivant là, des émeus, il retourne là-bas. Il dit écoute, ils ont tué tout le monde. Ils veulent pas du tout notre accord de guerre, etc. Et là, le général, il dit ok, il va falloir qu'on se défende. Jusque-là, il veut pas attaquer. Il veut se défendre. Et il se passe qu'il y a une attaque. Du coup, les humains, ils attaquent la ville fortifiée des émeus. Non, ils avaient mis tellement de temps à la construire. tellement de compassion pour cette ville, ce fort. T'imagines construire quelque chose avec des ailes. On dirait vraiment un T-Rex avec ses tout petits bras là qui. Mais ils ont des becs très forts. Et des pattes aussi très fortes. Ils peuvent te broyer, hein. Oui, mais ils ont pas de mains, genre ils ont pas de pouces opposables, donc pour utiliser des outils. Moi je suis désolé, j'ai un peu de compassion pour les émeus qui ont mis leur cœur, leur énergie, plusieurs générations à construire une ville. Et du coup, ils se font assaillir. Ils repoussent quand même la première attaque. Il y en a plein qui meurent, dont la femme du coup. Et là, ça va chier. Et là, ça chie. Écrasé sous une pierre. Non, attendez. Un accident bête. Accident de travail. Elle s'est tordue la cheville, elle est tombée de... Au pire, il repousse la première attaque, mais sa femme n'est pas encore morte. Et à la deuxième attaque, sa femme meurt et ils doivent fuir le village pour aller dans un autre village émeu. Et là, où ils vont demander à l'assemblée des émeus. Ah ouais, ok, d'accord. Okay. On n'a pas déjà fait l'assemblée des émeus ? Non, l'assemblée des émeus, c'est après. C'était l'assemblée générale. Eh bien, on refait l'assemblée générale, ouais. Alors qu'elle a lieu que tous les 5 ans, normalement. Mais là, c'est... C'est exceptionnel. Crise. Alors, un petit résumé, du coup, de l'histoire, enfin de la situation jusqu'à présent. À ton honneur. Donc c'est des émeus, ouais. Alors on fait ça parce qu'on a cut aussi, hein. Mais donc c'est des émeus qui arrivent en Australie de par le bateau sur lesquels on a fait des expériences. Les nazis ont fait l'expérience alors qu'ils existaient même pas encore. Mais bon, ça c'est une approximation historique. C'était voilà. Les tout premiers nazis. Les nazillons. Les ancêtres des nazis. Les nazis de Cro-Magnon. Et donc, ils fondent une société, parce que c'est des émeus intelligents. Voilà. Ils fondent une société loin de la société humaine, parce que l'Australie, c'est quand même très grand et très désert. Et donc, ils ont construit plusieurs petits villages. Ils sont régis sous un gouvernement. Ils ont une religion, tout ça. Et puis, d'un coup, il y a, dans les années... En 1929, du coup, on va dire, un an avant la guerre, juste avant la guerre, il y a le commandant, enfin, le général... Johnson, australien, qui dit il faut qu'on empiète sur le territoire des émeus parce que nous, notre société humaine, bah, en fait, c'est le sens du progrès, on s'étend et tout, et les émeus, bah, c'est que des animaux, donc en soi, hein, il faut qu'on s'en débarrasse. Et au début, les émeus, ils disent c'est un peu dangereux, mais on va aller négocier avec eux, ils vont comprendre, etc. Ils sont gentils, les humains. Pas du tout. Johnson, il tue tout le monde, sauf un, le messager, pour aller dire tu iras dire aux autres que. Ça va chier. Voilà. Il est dans la merde et que vous allez finir dans un bucket. Et au final, là, ils se rendent compte de l'urgence un petit peu, mais ils n'ont pas le temps de voir venir qu'il y a une attaque éclair contre le village du général, où il perd sa femme, tragiquement. Et il va devoir se réfugier dans un des autres villages émeux. Et c'est là qu'intervient l'alliance des villages émeux. Comment on l'appelle, cette alliance ? Les émeux United. Ça fait vachement Kids United. Hein, pas exactement. Ou Manchester United, ça dépend de ta ref. Ah, ok. Du coup, on leur fout des micros et ils dansent et ils chantent. Et ils disent aux émeus. Et ils jouent au foot en même temps. Ils écrivent, ils écrivent sur les murs le nom de ceux qu'ils aiment. Ah. De ceux qu'ils aiment. Ah oui. C'est génialissime. Bravo. Écoute, ce sera le titre. Non, ce sera pas le titre. Ça, non, ça, si, en vrai, moi, ça me ferait. Ouais, mais ça fait pas cliquer. Il faut quoi. Le titre du film, ok, mais pas le titre de l'épisode. Ça fait pas cliquer. Bah, Imiwar. Imiwar. Imiwar. Imiwar in a house. C'est super mignon comme nom. Après Pixel War, Imiwar. Imiwar in a house. Imiwar. Imiwar in the house. Non, mais Imiwar in a house, la reine de la. De la pop, non pas de la pop. De la pop émeu. Voilà, voilà. J'imagine une. La soul un émeu avec la coupe. Ouais, avec l'eyeliner. Ouais, qui déborde bien. Complètement torché. Je veux voir ça. En fait, c'est la femme, ça, c'est Pénélope. C'est la vieille du village. C'est Pénélope. Ouais, ça. Parce qu'il y a une vieille du village, on sait pas d'où elle vient. Mais eh ben, elle est là. Et elle est plus vieille que le général. Mais une vieille humaine. Ouais, non, une vieille émeu. Une vieille émeu. Mais il peut pas y avoir une vieille émeu plus vieille que le général. Non, mais Pénélope. C'est pas grave. On sait pas d'où elle vient, on dit. Faut qu'elle soit là. Ok. J'étais là avant vous. Okay. C'est là. C'était il y a 84 ans. Ouais, c'est un peu la guérisseuse. Bah, c'est celle qui gère la religion. Ouais. C'est la ministre. Et en fait, elle était déjà sur l'île avant qu'ils arrivent. Mais ouais, mais elle pas. Pouvait pas se reproduire. Parce qu'elle était toute seule. Bah, tu sais pas. Bah, t'es alors, pas je suis pas ornithologue. Bah, elle a essayé avec les kangourous, mais ça n'a pas fonctionné. Mais on n'avait pas parlé d'autres. Ah. D'où la création des koalas. Dégueulasse. Je veux pas avoir cette image en tête. Je me demande si j'ai pas de bipé sur toute la suite. Non, voilà. Et du coup, bon, merde. Ah bah oui, bah ça parle de sexe là tout de suite ça. Bah oui, ça me fait rire aussi. Ah, je suis vraiment en train de m'imaginer la couche. Non mais non, je vais avec le quoi là. Non, tu serais bipé encore une fois. Le nom, tu t'imagines le travail de montage que j'ai déjà. Tu me facilites pas la tâche. Baisse tes bips aussi parce que ça fait super mal aux oreilles. C'est fait exprès, c'est pour te réveiller. Putain, on va y arriver. Donc les émeux, ils se regroupent, etc. Et ça fait un peu comme l'armée du Rohan là, dans Le Seigneur des Anneaux, où ils se rassemblent un peu tous, mais ils sont pas beaucoup, tu vois. Mais ils vont quand même essayer de se défendre contre l'envahisseur. Au gouffre de Helm. Voilà, bah, le gouffre de Helmeux. Oh waouh. Parfait. Bah, je suis très très fort, voilà. Par contre, on va nous poursuivre pour. Non, Helmeux, bah, c'est bon. Ah, quoique. Attends, non, c'est Helmo, c'est bon. Non, et du coup, il y a. À un moment, on va y arriver. Ils s'attaquent. Enfin, ils se préparent et tout. Il y a un montage, un training montage à la Batman. Ouais. Genre, ouais. Les armées et tout. Comment ça à la Mulan, mais en fait. Mais là, je oui, pense que... Ouais, ah, ouais, c'est ça. Attaquons les ex... les exercices. Les exercices. Pour défaire bah, les humains. Bah, ça marche. C'est Amy Winehouse. Winehouse. Ouais, voilà. Winehouse qui débarque avec son micro. Winehouse, Winehouse. Mais là, je pense que c'est le moment aussi de se choisir un émeux jeune soldat qu'on va suivre et qui va être aussi caméra, le biais de notre romantisation avec une petite émeu qui voudra pas qu'il parte au combat ou je sais pas. Et il va oui. crever. Et non, mais ce qui peut être drôle, c'est justement sur une porte. On les cause d'une porte qui l'écrase. On les connaît pas du tout. Et justement, on fait comme si on les connaissait depuis le début du film. Ouais, c'est ça. Que ça devient notre petit protégé. Émeu numéro 6. On est Jessica, je dois partir à la guerre. On va suivre sa mort en plan séquence comme dans 1917. J'allais dire la même chose. Je veux un truc hyper cru, genre là ouais. on rigole et tout, mais là ça va être un plan hyper cru où c'est un plan séquence de 5 minutes non-stop où il y a les guerres, enfin les guerres, n'importe quoi, les bombes. Avec quoi ils se défendent les émeux? Avec des flèches? Avec des arcs? Non. Ah ouais, voilà. Ils ont pas de pouce opposable. Non, ils lancent des cailloux, voilà, des cailloux qui explosent. Ils peuvent pas voler les émeux parce qu'ils pourraient voler et chier sur les humains, quoi, je sais pas. C'est juste ça leur défense. On va les emmerder jusqu'à ce qu'ils partent. Emmerder d'ailleurs au double sens. Littéralement. Non, mais c'est vrai, quoi, ça pourrait marcher. C'est chiant. On va les fianter jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce qu'ils s'étouffent dans notre merde. J'imagine les bruits radioactifs. Le début de la mitraillette, hein, finalement. Après, ça fait. C'est la merde ou la tête qui a explosé, ça? Un peu des deux. C'est okay. La merde des têtes. Ok, voilà. Super. Non, on va dire qu'ils ont des armes quand même. Ils ont des explosifs et tout. Ok. Mais ils ont pas les armes à feu parce qu'il faut les différencier des humains quand même. Mais ils ont développé des explosifs et tout avec. S'ils ont le feu, etc. Bah. Ils ont la nitro. On peut reprendre dans Kung Fu Panda 2 de Jim Bonnet avec le pan qui se bat, quoi. Ah, mais sinon, sur les gens, lui. Hein non. Il fait du kung-fu. Non, mais il fait du kung-fu. Il va super bien. On peut dire qu'ils sont entraînés à faire pas des armes. Ouais, parce qu'ils font tous des sports de combat. Alors, attention. Mulan. Kung-fu versus mitrailleuse. Bon. Ouais, mais ils ont des bateaux, des bâtons laser. On revient sur le Indiana Jones avec le pistolet. C'est Dark Maul. Allez. Non, on va dire qu'ils sont censés gagner quand même. Bah oui. Faudrait on va dire qu'ils ont des armes. Mais comment ils ont gagné? En fait, ils ont surtout pas perdu. Dans la vraie vie, ils ont pas perdu. Mais là, on veut qu'ils gagnent, c'est-à-dire qu'ils prennent l'ascendant. Donc, on va dire qu'ils ont des armes à feu, voilà. Ouais. Et puis ils courent très vite. Bah oui, ça court très vite. Ça, c'est pareil. Ça, là, c'est compliqué. Donc là, il y a l'attaque, etc. Enfin, on voit le petit protégé qu'on va appeler. Comment? Oh, Tim. Tim l'émeu. Ils s'appellent tous l'émeu, finalement. Ils sont tous de la même famille, finalement. Voilà. C'est comme si le mec s'appelait Johnson l'humain. C'est pas comme ça qu'on l'a appelé, celui-là? Bah, chez les émeus, c'est sans doute ça, non? Donc, on a le on avait dit quoi? Tim. Tim l'émeu qui part à la guerre, il met son casque et tout, avec ses petites ailes-là, il se fait aider. Il serre bien la ceinture... De son casque. Trop grand pour lui, donc il charge. Bah oui, ils ont des toutes petites têtes, finalement. Ils ont des armes à feu qu'ils arrivent à recharger et tout, qu'ils ont adapté quand même à leur morphologie. Là, ils sont en train de recharger, de mettre des balles et tout dans le fusil, etc. Là, on a un petit plan sur Jessica qui est en train de pleurer. Jessica l'émeut amoureuse. Ah oui. Tim. Jessica et Tim. Elle fait une chanson. Triste. Je reviendrai. Non, tu reviendras plus. Une chanson. Je reviendrai. C'est elle, il se barre. Avant ailleurs, Pierre part après. C'est pas ma guerre, hein, moi. Elle chante My Funny Valentine. Ah, elle est. Non, elle est triste, voilà. Et là, ils se font un dernier bisou sur le bec avant de partir. Il dit je reviendrai. Il se fricote la crête. Et là. Pas en public, enfin. On les a perdus, putain, vous avez pas l'image, mais on les a perdus. Oh là là. Après, c'est marrant. Ouais, bip-le jusqu'à la fin, lui là. Ça va être très chiant pour les auditeurs, mais d'entendre un bip constant. Mais je vais le faire. Et du coup, putain, j'arrête pas de dire du coup parce qu'on n'arrête pas d'enchaîner, de devoir enchaîner. Mais il y a Tim et Jessica qui se fricotent, voilà. Et là, on se met en caméra épaule derrière lui. Vraiment, on est de dos à lui, comme si on était un soldat derrière lui, mais on le suit. Et là, ça va être vraiment... Je veux l'horreur des tranchées. Je veux 1917, je veux un truc cru. Qu'est-ce que je veux Un No Man's Land du sous-main. Un No Man's Land, voilà. Vraiment mais en mode steppe australienne, quoi. Ouais, c'est ça. Sous le soleil des tropiques. Tout est tellement... plus magique. Je sais plus comment c'est plus ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est Sunlight, hein, pas soleil. L'amour se rencontre en musique. En musique. Exactement. Il y a un émeu qui fait du tambour comme, à l'époque, au 19e siècle, quand il devait motiver les. Ils ont la corne là pour appeler. Et c'est. Je le fais très très bien. Et là, c'est le signal d'attaque. Et là, ils ouvrent les ponts-levis, parce que je rappelle que c'est une forteresse. Ils ouvrent le pont-levis, ils passent sur le pont-levis, ils traversent les douves. Attends, juste, ouais. Point explication. Là, du coup, on a les émus de tous les villages qui se sont réunis dans une ouais. seule forteresse. Ouais. Okay. Ils ont eu le temps de... Ils ont abandonné leur village avec leurs femmes et leurs enfants. Non, ils sont tous au même endroit, les femmes et les enfants émeux, du coup. Ah oui, c'est parce qu'elles jouent aux uns. J'avais oublié. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, ils attaquent. Et là t'entends le bout, c'est le signal, ils baissent le pont levé tout ça, et en face il y a les humains. Dès qu'ils voient la porte fermée, ils canardent sans mauvais jeu de mots sur les oiseaux. Ils font ta ta ta ta ta. J'imite très bien également les armes à feu, n'hésitez pas à m'embaucher. Et on perd plein de, enfin Tim, il perd plein de ses potes dès le début, parce que lui il est en quatrième ligne, un truc comme ça. Genre, il y a plein de lignes, etc. Mais non, il est même vers la fin. Et il voit tous les gens, enfin tous les émeus, c'est pas des gens, mais tous les émeus devant lui commencer à mourir, etc. À prendre, couverture derrière un rocher, etc. Et lui, on va le voir, il sait pas quoi faire. Il est complètement paniqué. Il essaye de lever son flingue en sortant de la couverture, mais il se prend une balle genre à 2 cm de lui, donc il est obligé de se remettre sous la... Enfin, pas sous la couverture, mais derrière le... Corps. Ouais, il fait le mort et tout. Il se chie dessus. Il fait comme les autruches où il met sa tête. D'ailleurs, les autruches ne font pas ça. Ah bon ? Alors, je suis pas ornithologue, mais je le sais. Comment ? Non, c'est un mythe. Les autruches ne font pas du tout le... Elles ne font pas l'autruche, du coup. Exactement. Du coup, okay. Du coup voilà. Donc, si on pouvait mettre fin à cette expression. Non. C'est très méchante pour les autruches qui n'ont finalement rien fait. Qui sont finalement hyper méchantes également. Elles sont méchantes. Hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est que les oies et les autruches, je les mets toutes dans le même panier. Vraiment, mais attends, du coup, du KSC. J'ai une petite question. Il faut quand même un petit moment de tension où les émeus croient perdre. Oui, mais là, en fait. Je pensais là, exactement la même chose. Mais il faut des gens qui les aident. Et du coup, j'ai pensé aux ibis d'Australie. Non, mais. Les kiwis néo-zélandais qui viennent les aider. Ouais. Les ibis d'autres oiseaux, d'autres espèces c'est quand même qui viennent les aider. Une guerre plus ou moins une guerre totale. Continentale. Donc on fait appel à... c'est limite mondial. Hein, ouais. Parce qu'il y a plusieurs continents. Nouvelle-Zélande et Australie, ça arrête. Les Ara qui viennent du Brésil, t'as Rio. Petit carnaval. Non mais l'oiseau bleu de Rio. Mais je pense que c'est important de vous faire commencer la guerre par ils sont en train de perdre. Quoi. Oui voilà c'est ça. Ouais. Ils perdent et tout. Massacrés. Bah, comme dans Avatar. Ils arrivent quand même à faire en sorte que les humains ils perdent quand même pas mal d'unités aussi. Parce mais que... pas le général Johnson. Ah non, bah non. Il est toujours là. Lui, il est derrière. Parce qu'il a une sorte d'armure en métal, genre il est invincible. Bah voilà, on a trouvé Iron Man. Bah non, mais c'est littéralement le méchant dans. Dans Avatar. Oui, oui, complètement, là, dans son espèce de machine. Dans son exosquelette, là. Ouais. Il serait très en avance parce que ça se passe dans les années. Enfin, littéralement en 1930. On a dit qu'on acceptait quelques anachronismes. Ouais, alors là, on est quand même sur. Sur un millénaire, ça passe. Un bel anachronisme. Ouais, 1930, bah il appelle sur son iPhone et il commande sur Uber Eats. Un peu de KFC. Non, de AFE. Pardon. Et voilà, donc ils sont en train de perdre. Clairement, ils se prennent ce qu'on peut appeler une giga branlée, finalement. Et là, les humains, ils battent retraite. Mm-hmm. On ne sait pas pourquoi. Genre, ils disent ok, cessez le feu. Ils se mettent à couvert derrière leur camion, leur je sais pas quoi là. Je sais pas ce qu'ils ramènent à l'armée. Et les émeux, là, ils en profitent pour ramener tout le monde dans la forteresse, je le rappelle. Et là, ils font les comptes et tout, ils ont perdu plus de la moitié de leur effectif. Dont Tim. Non, Tim, justement, on le suit. Moi, je pense que Tim, il devrait être aussi dans l'unité qui va mettre en place le plan stratège qui va les faire gagner, tu vois. Genre, il va être Tim, là, c'est l'un des seuls qui arrive à voler. Ah, waouh! Et ils font un escadron, littéralement un escadron de la mort. Il leur lâche des bombes et pas de la merde. Ah merde! Mais des explosifs le haut. Et là, ça crée un trou dans la défense humaine. Et là, ça va permettre aux émeux qui sont en sous-nombre, comme dans 300 en fait. Ils sont en sous-nombre, mais ils sont tellement plus malins stratégiquement, etc. C'est ça. Qu'ils vont réussir à contourner. En fait, ils vont les prendre en trident. Genre, les humains ils sont en ligne. Et là, il y a un peu d'émeux en face, un peu d'émeux sur les diagonales à droite et à gauche. Et des émeux au-dessus. Et des émeux au-dessus, parce qu'ils n'ont pas encore vraiment une aviation militaire en 1930, les Australiens. Et voilà. Et ils gagnent la guerre. Et du coup, on fait pas appel aux. On fait pas appel aux autres oiseaux. Non, ils arrivent en retard. La guerre, ils ont loupé le métro, tu vois. Oui, mais l'Australie. Mais où le général émeux? Non, le général est mort. Je trouve qu'on s'est un peu laissé. Non, il est pas mort. Bah ouais. En fait, ça serait bien que soit Tim, soit le général meurt. Les deux. Non, soit l'un, soit l'autre, et que ça a un impact en fait. Si Tim meurt, c'est un impact sur le général. Si le général meurt, c'est un impact sur l'ensemble des émeutes, tu me diras. Ouais. Donc du coup, ça serait bien comme ça, il rejoint sa femme et tout. Et puis là, petit plan où il voit sa femme avec la lumière blanche et tout. Et en fait, et là, avant ensemble. De mourir, il a donné genre sa médaille à Tim en mode « ce sera toi ». Tu et du coup, l'élu. À la fin, mais on voit Tim et Jessica genre couronnés un peu en mode les cool. C'est les cool kids. Vous êtes les mecs les plus branchés du lycée en fait. Vous avez gagné la guerre finalement. Non, et la carnaval. Hop là, la fête, la fiesta. En Australie, bien sûr. Oui, il faut qu'il y ait une cérémonie de. Genre, il faut qu'il y ait 5-10 minutes de. On a gagné la guerre. Genre, vraiment, on célèbre. Un peu comme dans Star Wars, quand ils ont les médailles, là. Je sais pas quel épisode. Dans le film. Il faut qu'il y ait un moment où on voit vraiment que les humains se sont pris une bonne raclée et qu'ils sont là en mode. Là, il y a un message, message à la radio en mode. On a perdu la guerre contre les émeux. Il faut que ce soit une voix bien franchouillarde. Il faut qu'il y ait un petit cliffhanger. Le général Johnson, en fait, n'est pas mort. Ah ouais. Avec des yeux qui Il y a sa main qui ressort. Zombie. Il était enterré sous les décombres et tout. Ouais. Et là, il y a une main métallique qui sort de la terre. Et Johnson qui crache la terre qu'il y a dans ses poumons et qui fait... I'll be back. Je serai de retour, Lou. Pour l'épisode 2. Voilà, et ça laisse penser qu'il peut y avoir une suite délirante. Quoique ça fait pas très historique, mais moi je pense qu'on devrait plutôt, genre à la fin, tu vois, il est peut-être il renaît, et là coup de téléphone, c'est son pote Hitler qui l'appelle parce qu'il a des affaires importantes à faire. Et ok, j'arrive, oui, alors, il prend l'avion. Je vais pas tarder à gagner les élections là dans 3 ans en Allemagne, donc si tu pouvais venir m'aider parce que j'ai un petit projet pour l'Europe. Autre fois rien, autre, t'inquiète. Oh, ça va. T'inquiète, c'est pas des oiseaux. On devrait gagner, cette fois c'est des humains. Et c'est la fin de comment il s'appelle le film. Ah, on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé, non. Immuwar. Immuwar, ouais, mais la guerre des émeux. The War of the Emus. Parce que c'est la... littéralement on fait une périphrase de ce que t'as dit avant. The War of the New. Ça fait un peu la guerre pour la planète des singes, genre The War for the Planet of the Apes. Ah, c'était relou ça. Mais la guerre. Ah putain, la planète des émeus au pire. Non, c'est pas ouf. Où on met une date, non. 1930. Australia. Mais the real war. The untold. The untold story of the Emu War. Untold story of the Emu War. Mais du coup, en français, l'histoire pas racontée. Australie. L'histoire cachée. Points. L'histoire pas assumée de l'Australie. L'histoire cachée de la guerre d'Australie. Non, l'histoire cachée de la guerre. La guerre secrète des émeus. L'histoire qu'on ne vous dit pas. L'histoire dont on ne prononce pas le nom. C'est vraiment putaclic. Mais je veux un nom putaclic pour le nom de l'épisode surtout. Ah, je trouve ça plus marrant. C'est ça que ça marche. Bah oui. En fait, on fait boulot à sa place. On fait pas de top 5 pour rien. Fallait le dire. Merci d'ailleurs. Il y a pas de quoi, c'était pas sur le mien. Non, mais pas à vous. Merci. On parle à des gens. Ah bon, juste, ils sont où? Ok. Dans ma tête. Du coup, on avait dit l'histoire secrète, la guerre secrète des émeus. Ouais. Mais c'est bien en anglais. Il faut pas parce que sinon ça parle pas au marché américain. The Secret War. Et puis même, on a dit qu'on était parce que c'est du quand point même... de vue des émeus. Sinon, on l'a pas. Les... C'est ça. On l'a bloup bloup. Puis c'est traduit en sous marseillais. Comme c'est du point de vue des émeus et que ça se passe en Australie, il faut un titre anglais. Bah moi, j'aurais tendance à penser que oui, ça se passe en. Si tu veux, on fait un titre espagnol, hein, mais je vois pas l'intérêt. La historia secreta. J'ai pas le nom guerre en espagnol. J'ai eu 18 au bac et je sais pas aligner une phrase. Non, mais la de Untold Story of the War of the Emus. J'aime bien. C'est un peu long, mais. Oui, mais ils aiment bien les longs noms, tu vois, Birdman. Ok, bah on part sur ça. And unexpected. Et bah merci d'avoir écouté l'histoire de The Untold Story of the War of the Emus. J'ai essayé de m'appliquer pour l'accent, mais c'est toujours pas c'était ça. C'était merveilleux. Tu veux pas faire l'accent marseillais du coup? The Untold Story. ça devient un peu mafieux. The Untold Story. Une belle histoire à raconter aussi. Dans un prochain épisode. Ouais. Ouais, la prochaine fois, on fera la guerre des pâtes. Pas de golo, pas de carbo. Qui gagnera, les spaghettis ou les macaronis? Oh là là. Ça fait un spin-off de Ratatouille un peu nul. Alors... Ratatouille. Mais qui se passe évidemment à Milan. Évidemment. Napoli plutôt. Écoutez, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Moi, je me suis beaucoup amusé à le faire. J'espère que vous aussi. Et pas du tout sympa, parler d'émeux. Et vous, à l'écouter. Je vous rappelle, si vous écoutez jusque là déjà, merci, vous êtes deux je pense. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, tout ça, et consultez le Crible, voilà. On a plein de trucs un peu plus sérieux, on parle un peu plus de cinéma et on parle pas d'émeux malheureusement, nous sommes pas ornithologues. écoutez, un petit mot de la fin, quelqu'un un petit mot de la fin, je sais pas comment finir. Dans Bip Bip et Ville Coyote, c'est pas un émeu Bip Bip? Non, pas non. Du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une autruche. Même pas, je sais pas. Non, c'est pas une autruche. C'est une vraie espèce, mais c'est un. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai besoin de revoir une photo. Mais... Bah, c'est un coyote. Bah, non, mais coyote, c'est l'autre. Bip bip et le coyote, je pense que. C'est pas le coyote et le coyote. Oui, bah, ça va. Attendez, je suis sûr que c'est. Attention, restez jusqu'à la fin, parce qu'en plus d'une petite musique que je vous ai mis en montage là, vous allez avoir la réponse à de quelle espèce est bip bip. C'est fou, non, j'essaie de. Parce que les trois sont sur leur téléphone. C'est un géo-coucou. C'est un géo-coucou. Un grand géo-coucou. Donc le géo-coucou est le coyote. C'est un oiseau du désert, connu pour être extrêmement rapide à la course. Merci Wikipédia. Mais ça ressemble plus à un émeu qu'un géo-coucou. Mais non, mais un c'est émeu. La mutation de l'émeu en fait. Mais non, mais un émeu, c'est une grosse autruche. T'as pas regardé la photo? C'est un géant-coucou. Un géo-coucou ou un géant-coucou? Un géo coucou, c'est un mec. C'est un coucou qui est super fort en géo. Oh. Genre vraiment, il connaît. Il a pas eu 4 bacs lui. Il connaît toutes les capitales. Pas du tout. Bah écoute, tu iras te plaindre. Mais c'est un dessin animé. Le coyote, il ressemble pas à un coyote. Outré hein. Là. Le coyote, il ressemble au lapin de Nesquik. Il ressemble pas. Des illusions. Ouais, c'est vrai ça. Allez, sur ce, je pense que ça fait suffisamment longtemps que vous embêtez. Non, mais merci d'avoir écouté. Et puis à dans 2 semaines pour un épisode sur les comédies musicales. Voilà. Ciao. Merci à tous. Moteur, moteur! C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit.